89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud sera de retour pour nous parler de mémoire, si je me souviens bien, et on accueillera notre nouveau chroniqueur sportif, Marc-Olivier Dumas. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 19 septembre 2017. On est à quoi? 220 jours de la fin de l'année scolaire 2017-2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut. Ça va bien? Je te coupe tout le temps dans cette phrase-là. Mais non, c'est correct. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Le seul, l'unique. C'est une information que je dois savoir pour toi. Ben oui, je sais. Il va falloir te mettre une fuse maintenant. Comment est-ce que je vais savoir où nous sommes en ce moment? Mardi, à toi, j'ai entendu dire aujourd'hui que ton matin a été précipité, Tania. Ah, légèrement. Je suis arrivée vraiment flush on time en oui. studio ce matin. T'as manqué la phrase d'introduction. Écoute, c'est le fun d'avoir un toupette. C'est cute d'avoir un toupette. Mais c'est long à placer un toupette. Long? Mais comment est-ce que ça peut être long, c'est un toupette? Ouais, mais tu sais, tu vois, là, du moment qu'il va commencer à faire chaud, ça va se déplacer. Du moment que tu le sèches, il faut que tu le sèches droit. C'est Donner à Vision Mondiale. C'est ça, exactement. Donner au toupet de Tania, s'il vous plaît. C'est ça. Aujourd'hui, à l'émission, Tania et Colin Connor du monde. Là, ça commence. Grosse journée. La saison commence, là, vraiment, avec les invités sans fin. On va commencer avec Justine Renaud, qui va être avec nous dans une demi-heure environ pour sa chronique à Justine Pertide. Elle nous parle de science, de trucs comme ça qui tournent autour de ça. Aujourd'hui, on parle de mémoire. Ça va être très intéressant à 7h30. Ensuite, à 8h, un nouveau dans l'équipe. Vous le connaissez, assez fou déjà. C'est pas un nouveau dans le... dans les animateurs de C'est fou. Marc-Olivier Dumas va être avec nous pour sa chronique sportive. C'est lui, en fait, qui va prendre ta place dans Sport et Filoché, ton tour. Exact. C'est à 8h. Ensuite, à 8h30, Dominique Mavungu va être de retour pour sa chronique sur l'actualité africaine. C'est vraiment cool de l'avoir et on va l'avoir chaque semaine cette année. Donc, soyez-y à 8h30. Ta chronique s'en vient. Tania Esgana Entertainia, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? On va parler d'éducation ce matin. De changement au niveau de l'éducation. Tu vas voir. Intéressant. Tout ça dans l'émission d'aujourd'hui, en plus de plein d'autres choses, bien évidemment. Tout ce qui rentre en 3 heures, on va le faire, c'est promis. Mais on débute en musique avec une pièce du palmarès francophone qu'on n'a pas encore entendue. C'est celle de Betrayers. The Betrayers, en fait, comme tu me l'as appris. Oui, exactement. Hier au palmarès, c'est fou. Donc, The Betrayers, voici Les Étoiles, tout de suite à Assemblage requis sur C'est fou. Yeah. Rangers, les étoiles d'assemblage requis. Ok, oui, c'est le moment de faire une liste maintenant dans un ordre plus ou moins précis, je te dirais. C'est pas mal comme ça se passe. Oui, ah, oui, okay. C'est son foutu palmarès. Où on établit, comme je disais, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et cette fois-ci, c'est quand même assez précis parce que récemment, Tania, t'as peut-être entendu parler, c'était les Emmy Awards. Oui, c'était avant-hier. Genre. Exactement, dimanche soir. Donc, bref, on va parler de cinéma, on va parler de vedettes. D'accord. Petit peu dans cette liste. Tu sais, tu connais en fait le Walk of Fame, l'allée des célébrités d'Hollywood. Certainement. Bien sûr, les gens reçoivent une étoile après une longue carrière. Et bien, étrangement, même si ça prend beaucoup de travail pour faire ces étoiles-là, il y a quand même des fautes d'orthographe. Non. Des fois qui arrive, je te jure. C'est malaisant un petit peu, ça, par exemple. Un petit peu. Il y en a qui sont pas mal importantes comme erreurs. Il y en a même qui n'ont jamais été corrigées. Ouh. Donc, on va faire la liste des 6 fautes d'orthographe sur l'allée des célébrités à Hollywood. Commençons par l'actrice de Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus. Hein? Seinfeld et Veep, entre autres, plus récemment. Donc, la vedette a été honorée avec une étoile en 2010, mais elle a été surprise de se rendre compte que c'était écrit Julia Louis, L-U-I-S-Dreyfus. Ça a été réparé à temps pour la cérémonie. Vous pouvez d'ailleurs voir la photo sur assemblagerequis.com. Ça a été patché, littéralement. Là, on voit la couleur qui a été changé. En dessous, ils ont écrit Louis, L-O-U-I-S, en caractère plus pris rapproché, ensemble, rapproché, ouais. Pour que ça rentre, c'est vraiment laid. Pauvre fille, je veux dire, pour vrai, là, on te rend hommage. Est-ce qu'on pourrait au moins copier-coller ton nom correctement? Franchement. T'sais, on dit, on chiale contre le plagiat, là, mais ça, vous faites copier-coller. Ouais, exactement. Ça. Ou encore Madame Tussaud, là, où ça ressemble pas partout. C'est exactement ça. Marie-Mé. C'est où, hein? Bref, Julia Louis-Dreyfus a dit que c'était une métaphore idéale pour la business du show. Business, elle dit, quand tu penses que t'as réussi, que finalement, on te redescend une coche. Exactement. Dans ton nom. Ensuite, je ne connais pas Miriam C. Cooper. Mm-hmm. Mais en fait, son vrai nom, c'est parce que c'est Marion C. Cooper, M-E-R-I-A-N, qui a eu une longue carrière à Hollywood, chef de la production chez RKO Pictures, collaboration avec John Ford sur une série de western dans les années 50. C'est un homme, Marion. Eh ben. Une de ses contributions les plus importantes, en fait, était de créer, d'écrire et produire King Kong en 1933. Cooper était vivant dans sa soixantaine lorsqu'il a été induit, qu'on dit, je crois? Induit, en erreur. Ouais. Non, je parle pour sur l'allée des célébrités. Oh. Lorsqu'on lui a rendu hommage. Exactement. Voilà. Intronisé. Intronisé, c'est ça. Le 8 février 1960, on a marqué Miriam C. Cooper, donc le M au lieu du N, et ça n'a jamais été corrigé. Il y a encore son étoile avec une faute dans son nom, c'est absolument ridicule. C'est juste une lettre, là, ça. Oui, c'est ça. Ça se corrige très, très bien. Oh boy. Mais, ensuite, un acteur quand même assez connu, Dick Van Dyke, légendaire acteur, chanteur, musicien, qui a eu son étoile sur l'allée des célébrités en 1993. Son nom de famille devrait être éplé, en fait, avec un espace entre Van et Dyke. D-Y-K-E, mais c'était écrit avec un seul mot sur l'étoile. Donc, Van Dyke a un sens de l'humour vraiment reconnu. Et en tant que maire honoraire de Hollywood, Johnny Grant lui a donné un crayon et Van Dyke a écrit, dessiné une ligne verticale pour séparer les mots. Depuis ce temps-là, l'étoile a été réparée sur l'allée des célébrités. Ah, oh boy. Ensuite, Moritz Stiller. Grâce à tout ce qu'a accompli le réalisateur Moritz Stiller dans l'industrie du film suédois, Louis B. Mayer de MGM Studios l'a invité à travailler sur quelques films. Stiller a accepté à la condition qu'il puisse amener sa vedette préférée avec lui. Même si le réalisateur en a duré que quelques années sur la scène à LA, son protégé qui a plus tard changé de nom pour Greta Garbo est resté quand même assez longtemps. Lorsque l'étoile de Stiller a été ajoutée sur l'allée des célébrités en 1960, c'était une des 1550 premières étoiles dans la première batch d'étoiles. Là. On a commencé par 1550. Il a été victime de problèmes de communication. Donc quelqu'un a pris son nom au téléphone et il pense en tout cas que Moritz Stiller, M-A-U-R-I-T-Z Stiller, sonnait pas mal comme Maurice Diller, M-A-U-R-I-C-E. Donc c'est comme ça qu'on l'a écrit sur l'étoile. Et l'erreur n'a pas été corrigée avant 28 ans. Finalement, on l'a corrigé avant qu'il, en fait, que le roi et la reine de la Suède visitent L.A. Donc c'était pour le roi et la reine qu'on a réparé l'erreur. Même pas pour la vedette en tant que telle, pour la personne qui méritait l'étoile. Wow. Ensuite, Lottie Lehman. Charlotte Lottie Lehman a aussi son nom mal appelé, ça n'a jamais été corrigé. C'était une chanteuse soprano allemande, une vedette de soap-opéra internationale qui a amené ses talents aux États-Unis en 1938. Après avoir pris sa retraite de la chanson, Lehman a enseigné à la Music Academy of the West à Santa Barbara pendant plusieurs années. Éventuellement, elle était celle qui s'occupait du département vocal. Et comme Marianne Cooper tantôt, Lehman était bien vivante au moment de son intronisation et était au courant que son nom avait mal été appelé L-O-T-T-I-E au lieu de L-O-T-T-E comme dans la fin de Charlotte. Mm-hmm. Même si les vedettes ont dit que les vedettes n'avaient pas besoin d'être présentes à la cérémonie jusqu'en 1968, mais je veux dire, tu te fais donner une étoile sur l'allée des célébrités. Ouais, c'est la moindre des choses que tu sois là. Hein? Quand même. Ça serait bien, tu sais, mettons. Les frères Lumière, Auguste et Louis Lumière, étaient pionniers de ce qu'on appelle le cinématographe. Oui. Oui. Donc, le kinétoscope de Edison était apparu sur scène quelques années avant, mais était capable de montrer seulement un film à une seule personne. L'invention des frères Lumière permettait à plusieurs personnes de regarder un film en même temps. Donc, c'était une contribution évidemment très importante dans l'industrie. Donc, il me semble qu'on aurait dû s'arranger pour écrire leur nom correctement sur l'aide des célébrités en 1960. Mais le nom d'Auguste, eh bien, il manquait le E à Auguste. Ah, ben oui. Parce qu'en anglais, Auguste. Hein? Franchement. Auguste et Louis auraient sûrement été surpris, en fait, de se rendre jusqu'à l'allée des célébrités d'Hollywood parce qu'en 1905, ils s'étaient retirés, ils avaient pris leur retraite de l'industrie du cinéma et ils étaient passés à la photo. J'espère que c'est pas tout le temps le même gars qui fait les étoiles. Tu sais, un certain temps, mettez-le dehors, je sais pas. Quand est-ce que tu comprends le message qu'il est pas capable de décrire des noms? Exactement, tu sais, le gars, c'est pas de sa faute. Il est peut-être dyslexique, mais tu sais, à un moment donné, tu mets tes priorités à la bonne place. Peut-être qu'il n'y avait pas Internet dans le temps. Ah, c'est sûr. Okay, mais il y avait quand même des encyclopédies, des dictionnaires, des... Des revues à potins. Demande au monde d'épeler leurs noms, je sais pas. Exactement. Et mention honorable dans l'article de MetalForce.com, on mentionne Sylvester Stallone au Man's Chinese Theater, donc ça n'a rien à voir avec l'allée des célébrités, mais lorsque Sylvester Stallone a été immortalisé avec son empreinte de main au Man's Chinese Theater en 1983, il s'est dit que la vedette de film d'action a en fait oublié de faire la barre sur son thé dans son nom de famille dans le ciment. Hein? Et c'est pour les travailleurs qui ont dû faire la barre sur le thé plus tard. Oh boy! C'est sa propre faute. Très bonne mention honorable, je trouve. C'est merveilleux. On considère qu'une autre liste dans le même domaine du cinéma, étant donné les Emmys il y a quelques jours, c'est toujours selon MentalFloss.com, on parle de la liste, en fait, de 10 sons de films connus et comment ils sont fabriqués. OK. Intéressant. Donc, le dialogue et le son, c'est enregistré pendant qu'on filme le film, évidemment, mm-hmm. Mais la majorité des effets spéciaux et des autres trucs comme ça sont faits en fait en post-production. On dit que le film moyen a des centaines de différents effets sonores, que ce soit le son d'une porte qui s'ouvre, à de l'eau qu'on verse dans un verre, peu importe, c'est super important, le design sonore, comme on l'appelle, et des fois, des designers sonores doivent être créatifs pour amener un film à la vie. Donc, on parle quelques-uns de ces sons-là. On commence avec le son des sabres laser dans Star Wars. On connaît tous les sabres laser. J'espère que c'est fait à bouche, ça. C'est le fun, hein? Oh, tu l'avais, là. T'étais pas mal proche du vrai, là. Ouh. Donc c'est le designer sonore Ben Burt qui a créé le son très distinct d'un sabre laser en combinant un projecteur de film en stand-by, en pause, et le buzz d'une vieille télé. Hein? Ouais, les moteurs faisaient un hum, et là je pense qu'on peut rien entendre. Oh. Il a expliqué à filmsab.org qu'il a enregistré le moteur et quelques jours plus tard, il avait un câble de microphone brisé qui a fait que son enregistrement a enregistré le buzz de l'arrière de sa télé cathodique. Ils ont enregistré le buzz, il l'a mélangé avec le hum du projecteur et ensemble, c'est devenu la base pour les lightsabers. Il a capturé ça et puis il a... Je préférais ma version par contre. Je l'aime aussi ton son quand même, je dois dire. Je suis impressionné. Hey, y a-tu un des sons les plus remarquables que celui d'un sabre laser? Je pense que c'est le plus connu de Star Wars. C'est le plus connu, c'est clair. Oui, clair. Ensuite, on passe dans un autre domaine quand même, au T-Rex dans Jurassic Park. Oh, ben oui. Évidemment, ce serait ça assez... Ça aussi, c'est un classique. Oui, assez difficile, de, je dirais, de copier le son d'un dinosaure qui existe depuis 65 millions d'années. Hein? Mais là, on parle bien du Jurassic Park, le premier. On là. Va toujours parler juste du premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle du plus récent? Ben, Jurassic c'est parce qu'il est horrible, ce film-là. Ben, moi, j'ai entendu personne en parler jusqu'à maintenant. C'est justement. Parlons-en. Le designer sonore Gary Rystrom qui a dû être très créatif. Il a ralenti plusieurs bruits d'animaux, que ce soit le bruit d'un éléphant bébé, à un alligator, à un tigre pour donner la vie au T-Rex. Le son du roi ou de la reine des dinosaures était le son en fait de l'air qui sort du trou d'une baleine. Rystrom a même utilisé son tout petit Jack Russell Terrier Buster pour créer le son d'un T-Rex affamé qui tuait Gallimimus. J'ai pas vu le film, je pourrais pas vous dire. Écoute, c'est le même bruit que mon père qui ronfle. On le salue! C'est pas vrai! Hey, salutations! Bon matin, père! Il dit qu'à chaque jour, il voyait son chien jouer avec, avec un jouet, avec une corde. Ouais. Il faisait semblant qu'il tuait une proie, donc ça sonnait... Ça sonnait pareil! Comme le dinosaure, mais ambitionné, j'imagine. Le gars, il regarde sur Jack Russell, il est comme « Hum, toi, tu deviens un T-Rex demain! » T'es m'amuse! Ensuite, on va dans Terminator 2. Passer à travers les barreaux d'une prison. Tu sais, à un moment donné, t'as le méchant qui passe à travers les barreaux de la prison. On va écouter encore une fois le petit extrait dans Terminator 2, Judgment Day. T2. Ça, c'est du feu. Mm-hmm. Donc, il essaie de capturer le T-800, Sarah Connor et son fils John dans un hôpital de fou. Le designer sonore Gary Rystrom a révélé qu'il a trouvé ça, en fait. Oh! Est-ce que t'as entendu le son? Mm-hmm. On va en avoir un autre. Ouais, c'est liquide un peu, là. Ouais, là, on voit ça, c'était quand il sortait du plancher. Hey, Gwen, you want some coffee? No, thanks. Il va en avoir un autre après. How about a beer? Yeah, right. Ça sent bien, là. C'est de la nourriture pour chien qui sort de sa canne. C'est dégueulasse! C'est comme ça qu'il a fait ce son-là. Des millions de dollars chez Industrial Light and Magic pour finalement trouver une canne de bouffe à chien. Oh mon Dieu! Ça, c'est le même qui a fait le son du T-Rex avant, là. Disons-le. Gary Rystrom, exactement. Ouais. Ouais, un gars assez... polyvalent. Futé et attends, écoute. Ok, il a rajouté des trucs par-dessus, là. C'est pas juste la canne. Son chien est clairement une muse, là. Ça bouffe lui-même. C'est ça. Pas le choix. J'aurais c'est son chien qui doit être intronisé, pas lui. Exactement. Avec une faute dans son nom. Exact. Ensuite, on va dans Star Trek en 2009. On parle du Warp Drive. Donc, la série qui a commencé à la télé, mais qui a fait quand même une bonne impression à l'écran de cinéma, avec 12 films à l'époque, 13 si on compte les plus... 14? En tout cas, bref, une douzaine, on va dire, récemment. Un des sons les plus reconnus de la série, en fait, est le Warp Drive. Et pour le reboot en 2009 de Star Trek... OK, ça compte le 12e, c'est celui de 2009. Le réalisateur J.J. Abrams a demandé à Ben Bird de créer un nouveau son sur le USS Enterprise. Donc, on va écouter ce que ça avait l'air... Space dock, Captain. All ships ready for warp. Set course for Vulcan. Aye, aye, Captain. Course laid in. Maximum warp. Punch it. Oh, it does, what's up? Voilà. Des hommes de la distorsion, hein? Donc, pour le reboot, on voulait faire quelque chose de musical, comme l'original, qui sonnait un petit peu musical. Donc, il a reproduit le son de la même façon qu'à l'origine, en utilisant un oscillateur des années 60, qui était dans le département de la physique, dans son ancienne école secondaire. Collégiale, Allegheny College. Okay. Donc, il est retourné là-bas, il a trouvé l'oscillateur dans le sous-sol, il l'a ramené pour l'utiliser dans le film, et ça a donné ce qu'on a entendu tantôt, le « vroom, vroom ». Ce genre de choses-là. Vraiment très bien fait. Ensuite, allons-y en 1960 avec la scène, oui, la classique scène de la douche dans Psycho ou Psychose. Une des raisons que c'est aussi terrifiant, ce film-là, est évidemment le design sonore. On ne voit pas Madame Bates trancher Marion Crane, mais on entend ce que ça fait à son corps. Évidemment, là, c'est la scène au complet. Donc, on rentre dans la douche. ça vous dérange pas que j'avance un petit peu plus loin? Ici, mettons. Ah, voilà. Attention, ça va être violent. Public averti seulement. Tadam. Tadam. Ce petit bruit-là, là. Ouais. Est-ce que tu veux deviner ce qui sonne comme tranché dans de la peau de quelqu'un? Ben, j'ai deviné le son, mais je sais pas avec quoi il a fait ça. Moi, j'aurais dit un jambon, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Mais non, finalement, c'était des melons. Ah! On a poignardé plusieurs melons pour trouver le melon parfait dans le studio d'enregistrement. C'est l'homme des accessoires du film Bob Boone. Bob Boone. Il a fait auditionner des melons. Et il s'assoyait là avec les yeux fermés. Selon Stephen Rebello dans le livre Alfred Hitchcock and the Making of Psycho. Donc, lorsque la table était remplie de fruits, Chuck a ouvert ses yeux et il a dit Casaba. Je sais pas ce que ça veut dire Casaba, mais genre j'ai trouvé mon melon parfait. Alléluia. Alléluia. Je sais pas c'est probablement. Quoi. Probablement. Ensuite, on y va avec Raiders of the Lost Ark, bien sûr Indiana Jones en 1981 et la grosse poursuite de la grosse roche, la grosse pierre qu'on connaît tous dans Indiana Jones. Donc, c'est la première... Mathieu, un casaba, c'est un melon. Ah, encore mieux, en fait. Donc, c'est une des scènes les plus mémorables dans Raiders of the Lost Ark. Lorsque Indiana Jones essaie de s'enfuir, il fait débouler, oui, une grosse pierre, à un moment donné, par mégarde. Et en fait, la grosse pierre était faite de fibres de verre. Ah ouais? Et pour vendre l'authenticité au public, le designer sonore Ben Burtt a utilisé le son, en fait, d'une voiture sur le neutre, sur une route de gravel. On va réécouter ça, va. Il dit qu'il était en train de descendre une colline dans sa petite Honda Civic. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'une voiture sur une route de gravel. Fait que ça, c'est juste le son d'une voiture. Ouais, sur de la gravel. Wow. Et la roche était faite en fibre de verre. Ça défait pas mal l'illusion du film, n'est-ce pas? Tellement. Ensuite, on s'en vient en 2000 avec X-Men et les griffes de Wolverine. Bon, c'était pas ça. Ça s'en vient. Ça vous dérange pas que je parle pendant ça? Ah, il est là. Évidemment, il fallait qu'il fasse exactement au moment où je parle. Voilà. Donc, dans les bandes dessinées, on dit que les griffes font snicket, S-N-I-K-T, sur la page, bien sûr, mais le designer sonore Craig Berkey a utilisé le son d'un couteau qui sortait de sa protection, le protège-couteau, comment t'appelles ça, un sheath en anglais, mélangé avec le son d'une carcasse de poulet ou de dinde en train d'être déchirée. Arc. Donc, le son de lame, et on entend le petit son de... quelque chose en train d'être... Donc une lame qui passe dans la peau. Ouais. Mais pas de melon, étrangement, là. Casaba. Pas de casaba. Ensuite, on avance en 2001 avec le Seigneur des Anneaux. Ooh. The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring et Balrog. Le designer sonore David Farmer a créé ces espèces de sons de Balrog en enregistrant. En fait, je vais vous faire entendre le son avant, si je peux m'arranger ici pour avoir ça. Attention, ça devrait être là. Moria, you fear to go into those lines. Les autres étaient instantanément au début, mais je pense que ça devrait peut-être attendre un petit peu. Too greedily and too deep. You know what they awoke in the darkness of Khazad-dûm. Parle de monstres, je pense que ça va être dans ces coins-là ici. C'était un bloc de béton, en fait, qu'on tirait sur un plancher de bois. On voulait donner l'impression que le monstre était pris en dessous de la terre depuis des siècles, avant que Frodo et les autres... Ah, c'est... C'est ça. Ouais. On tire un bloc de ciment sur du plancher de bois. Pauvre plancher de bois. Pauvre plancher de bois, c'est ça, il faut penser. Peut-être qu'un jour, il y aura son étoile sur l'allée des célébrités. Peut-être. Et on dit, en fait, que... Il y a des moments où on avait besoin de voix, un petit peu de mm-hmm. On utilisait des ânes et des chevaux pour faire ces bruits-là. OK. You cannot pass! Get out! Classique. Ensuite, on retourne en 1954 pour aller entendre un petit peu de Godzilla. Est-ce que c'est aussi classique? Ben oui, évidemment. Et là, le cri classique de Godzilla. Sympathique, les Godzilla. Donc, évidemment, son son a évolué pendant les 62 ans de carrière de Godzilla. L'effet sonore en 1954 sur le film japonais a utilisé plusieurs bruits d'animaux, de rugissements, bien sûr. Le compositeur du film, Akira Ifukube, a l'idée d'utiliser des instruments de musique pour créer le son à la place. On dit que c'est une double bass. OK. Double bass. Bass, mm-hmm. Je connais pas la musique tant que ça, en utilisant un gant de cuir pour créer de la fiction. Ça a du Moi, sens, j'aurais ça. Pensé que ça allait être une barrière qui se fait ouvrir. Sinon, ça aurait pu être ça, en effet. Bref, on a créé ce son-là en frottant deux choses l'une contre l'autre, un gant de cuir et double bass. Et finalement, évidemment, on n'a pas le choix de finir avec celui-là. C'est le plus connu de tous. En fait, peut-être que toi, tu le connais pas. On sait pas. Sur Internet, on voit souvent passer des capsules avec des montages du fameux cri de Wilhelm. Connais pas. Tu vas voir, tu vas le remarquer dans tous les films que tu vas regarder dans le futur. The Wilhelm Scream. C'est de la double bass, hein, je pense qu'on entend ça. Ça va commencer, là. Ça commence. Arrêtez la musique. Ce fameux cri là. À toutes les sauces. Yeah, I'll just fill my pipe. Donc quand quelqu'un tombe ou explose. La première utilisation était en 1951 dans le film Distant Drums, lorsqu'un alligator attaquait un soldat joué par Cheb Woolley et le traînait sous l'eau. Plus tard, on a trouvé ce nom-là dans The Charge at Feather River, où un personnage nommé Private Wilhelm se faisait tirer dans la jambe avec une flèche et il faisait encore une fois ce cri monstrueux. Les designers sonores ont utilisé l'effet dans des films comme Inside Joke, une petite blague pour initier si on veut, et ça a été popularisé dans Star Wars, dans Raiders of the Lost Ark, mais dans plusieurs autres films aussi. Même quand c'est aucunement approprié à l'action qui est autour, on utilise ça, le Wilhelm Scream tout le temps. Ça crie comme ça. C'est incroyable. Voilà, c'est tout pour la chronique sur son foutu palmarès. On prend une pause et on revient avec Justine Renaud qui va nous faire crier de plaisir. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de kiwi. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de kiwi. Vous êtes à Assemblage Reiki avec Tania Bolin. Et Mathieu Plante. Mais on a aussi quelqu'un d'autre en studio qui s'en vient. Justine Renaud. Allô, viens. Elle est là, mais pas tout de suite. C'est son grand retour. Il faut vous laisser attendre un petit peu de suspense. De quoi tu nous parles tantôt, Justine? Je vais vous parler de quelque chose qui nous a aidé tout au long de nos années scolaires, voire toute notre vie, mais je vous laisse un peu en suspens là-dessus. Je ne vais pas dévoiler mes punchs, tu sais. J'en ai un. Cette session aussi, j'en ai un seul, fait que tenez-vous sur le bord de votre chaise. Oh, un seul punch? Un seul punch. Fait que soyez patient. OK. Bon, on t'attend dans quelques instants. Avant ça, voici Fou Niap et Wolf and Plath. Assemblage requis. Sur CIFU. 89 ans, FM. Oh, pas capable de faire du... C'est assez difficile. Oh, lady, ride into the woods. She swallowed darkness. Return to mud. Her darling dead. To seek her cry. Though he knew best. Into the gloom, retraced her horror and wept for two. Over her breast, he hung his head, called to the void, a torn heart had left. Garder ça relax. Ouais, c'est une belle berceuse matinale. Wolf and Plath est le nom de la pièce. Toujours à Assemblage requis. Vous l'avez entendu, c'est Justine Renaud que voici avec le retour de Justine Pertine. C'est fou, Mathieu, comment je suis pas capable de m'empêcher de faire des bruits de robot tout en rabattant ma lèvre du haut sur mes dents en écoutant ma propre introduction. De toute beauté. Ah, de toute beauté. Écoutez, j'ai passé un bel été et vous? Oui, merci, oui. Super. Long été de quoi? Ça fait 4 mois qu'on s'est pas vu au moins. Ça fait un bout. On s'est croisés quelque part sur du béton ukutérien. Oui, sur le campus. Exactement. Ah! Qu'en gros, c'était ça, nos interactions estivales. T'as été occupée pas mal cet été. Hein. Ouais, j'ai été occupée pas mal, je suis encore occupée, mais cette session aussi, j'ai pris un peu de temps pour moi-même, puis retourner à mes vieilles amours, c'est-à-dire la radio, fait que ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous cette session aussi. Ça m'a vraiment beaucoup manqué cet été. Tu nous as manqué aussi, on espère t'avoir encore. Là, on entend des rumeurs disant qu'on t'aura pas pour toujours. Là. Que tu nous quittes! Ah! Je ne vous quitterai jamais. Jamais. Ça va toujours être dans mon cœur. C'est ça. Oh, tu vois, elle a un petit peu contourné ouais, le sujet. Ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'ai remarqué. On va profiter d'elle pendant qu'on l'a. Profitez de moi. Mais en fait, j'espère que les auditeurs se souviennent de moi parce que ce matin, pour pouvoir se souvenir de moi, ils auront besoin d'une faculté en particulier, c'est-à-dire la mémoire. Voilà. En ce début de session universitaire, je souhaitais vous parler là, d'un sujet qui est au centre de toutes nos études, qui est notre allié et même probablement l'unique raison de notre réussite scolaire. Hein. Comme j'ai dit, la mémoire. On a tous déjà une bonne maîtrise de ce que représente la mémoire. On sait qu'elle est la faculté du cerveau à enregistrer, entreposer et rappeler les expériences passées. On la distingue de l'apprentissage qui, lui, est plutôt le processus d'acquisition de nouvelles informations et de nouveaux comportements à la suite d'une expérience. Et vous savez aussi peut-être qu'on distingue plusieurs sortes de mémoire dépendant de la durée d'entreposage de l'expérience et la manière dont on en dispose notre cerveau. Fait qu'on compte 3 grandes catégories de mémoire définies par leur durée, soit, premièrement, le registre sensoriel ou la mémoire immédiate, numéro 2, la mémoire à court terme, et finalement, vous l'aurez deviné, Le troisième, la mémoire à long terme. Il n'y a pas de moyen terme. Ben, c'est un peu difficile à jauger cette histoire-là parce qu'on a déjà parlé d'une mémoire à court-moyen terme, à moyen terme, disons. Et la chose, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est à peu près au même endroit dans le cerveau puis ça sert à peu près à la même affaire. Fait qu'on a tout mis ça dans la mémoire à long terme. Ah, OK. On voulait pas discriminer la mémoire à moyen terme. L'ostracisation, c'est plus au goût de 2017. T'as le format familial, sinon. Exactement. Et voilà. Et donc, le registre sensoriel, notre premier, ou bien la mémoire immédiate, c'est la simple aptitude à garder un événement, une information ou une sensation en mémoire pendant quelques dixièmes de seconde. Oui, c'est là, là. Là. Oui. Là. Ça, le son de ma voix. Là. Vous l'entendez? Donc, on désigne d'ailleurs ces informations de souvenirs iconiques. Vous l'avez déjà peut-être entendu dans les films de sci-fi, de science-fiction. Les souvenirs iconiques. Science-fiction, là. Science-fiction. Ouais. C'est dans la matrice qui en parle beaucoup. Ah. Clairement. Et c'est une mémoire qui est multimodale, signifiant qu'elle provient de nos facultés visuelles, auditives, tactiles, verbales, etc. Fait que la mémoire immédiate est souvent désignée comme tampon sensoriel. C'est grâce à cette mémoire qu'on n'est pas légumes et qu'on a un sens permanent du présent. Sauf pour ces gens-là qu'on salue en passant. Exactement! Hein? T'as un peu volé ma glace, ma blague! C'était écrit, ouvrez les guillemets. Tu niaises. Clairement, il y a certaines icônes de télé-réalité pour qui cette mémoire immédiate les a désertées, il y a belle lurette. Mais moi, je l'ai écrit un petit peu mieux. C'est pas la même blague, tout. Moi, non, mais moi, je pinpointais, je focusais sur un groupe en particulier de gens. C'est ça, on s'entend bien dans le même sens de l'humour. Exactement. Tout le temps. Ça, on a de la misère, justement. C'est pour ça, moi et Mathieu, on pourrait jamais être ensemble. On pourrait pas être un couple. Non, pour plusieurs raisons. Oui, c'est ça. Fait que... On ne parlera pas ce matin. Ben non. Ah, ouais. On a un autre sujet. Ah, non. Fait que qu'est-ce que notre cerveau fait avec ses souvenirs éphémères? Ben, lorsque les informations sont pertinentes, elles sont par la suite encodées dans la mémoire à court terme, qui, elle, dure quelques secondes à quelques minutes. Mais la très, très grande majorité des souvenirs iconiques sont effacés quasi instantanément. On parle là de la sensation de vos vêtements sur votre corps en temps réel, l'odeur de l'air, les millions de couleurs, de formes de sons que perçoivent vos sens à tout instant. Ce serait difficile de vivre si tu te rappelais tout le temps de ça sans cesse. Ouais, il y a des maladies là où les personnes sont incapables de se libérer de ses souvenirs iconiques-là et vivre avec ça, puis c'est comme un trop-plein. C'est très difficile à vivre, j'imagine. Et c'est beaucoup d'informations qu'il faut évacuer constamment. Donc, la mémoire à court terme permet de retenir ce qui est le plus important temporairement. Et une des fonctions vraiment intéressantes de la mémoire à court terme, c'est de permettre l'usage des informations qui y sont entreposées. On appelle ce mode de fonctionnement la mémoire de travail. Donc, la mémoire à court terme possède le mode working memory, fait que mode de mémoire de travail. C'est comme ça qu'on peut manipuler les informations dans notre tête, utiliser cette mémoire pour, disons, retrouver des clés qu'on aurait perdues dans son appartement étudiant bordélique sur Louis Pinard. C'est la mémoire qui nous permet de chercher de pièce en pièce sans jamais perdre en tête où nous avons déjà cherché et les lieux qui demeurent à fouiller. Ah oui. Et que sinon, si on fait comme le poisson rouge, puis on va d'un coin du bol à l'autre coin du bol, de l'autre coin du bol, de l'autre coin du bol, que vous venez juste de fouiller pour voir vos clés, des poissons, ça a des clés, eh bien, ça marche pas. Alors, la mémoire de travail, on pourrait dire qu'elle sert de temps d'accomplir un... Elle sert le temps d'accomplir un objectif comportemental particulier. Et contrairement à la mémoire immédiate qui est considérée comme un tampon sensoriel, la mémoire de travail, elle, est plutôt un tampon exécutif. Mm-hmm. Elle est d'ailleurs étroitement liée à l'attention et doit être réactivée en permanence. Lorsqu'on n'est pas focus, on a tendance à chercher nos clés au même endroit qu'on vient juste de fouiller, tel un poisson. Lorsque quelqu'un, par exemple, nous distrait en nous parlant, tu sais. Oui. C'est une mémoire qui est indispensable dans le langage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Et encore une autre mémoire dont ne disposeraient pas les icônes de télé-réalité susmentionnées. Mais bon, pour les autres d'entre nous qui possédons toutes nos facultés cognitives, lorsque les informations sont très importantes, elles sont entreposées dans la troisième mémoire, la mémoire à long terme. Les petits tiroirs. Les petits tiroirs, exactement. En fait, t'as tout à fait raison en désignant ça comme ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. On classe les affaires. Exactement. Celle-ci dure de quelques minutes à plusieurs années, voire toute notre vie. On connaît d'ailleurs mal la capacité de stockage de ce système mnésique, mais on penserait qu'il soit quasi indéfini en temps et en volume. Ouais. Quand même, là. On a tellement de neurones, on a tellement de synapses. À quelque part, il faut concevoir qu'on a quasiment une capacité illimitée de stockage. Là. Selon plusieurs écoles de pensée, on divise la mémoire à long terme en deux sous-systèmes fonctionnels. Vous l'aurez peut-être deviné, les gens à la maison qui sont un petit peu plus calés en neurosciences. Soit la mémoire explicite ou la mémoire implicite. Ah. Vous avez déjà peut-être entendu parler. Oh. Les termes, oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, je vais vous expliquer. Merci, Grey's Anatomy. Ah oui, tout le temps, c'est clair. C'est sûr qu'on en parle à toutes les émissions. ainsi qu'avec des références vraiment trop personnelles au sujet de leur vie sexuelle en traitant un patient là, c'est scalpel. Ouais, j'ai des morpions. La différence entre ces deux mémoires concerne la manière dont notre cerveau utilise les informations qui y sont entreposées lors du rappel. Fait qu'on a deux options. Premièrement, si le cerveau utilise consciemment les informations, donc si on est parfaitement conscient qu'on est en train de se rappeler quelque chose, on parle de la mémoire explicite. C'est explicite. Explicitement, je suis en train de me souvenir où sont mes clés de char. Mmh. Numéro 2. Si le cerveau, toutefois, rappelle des informations sans qu'on en soit conscient, on parle de mémoire implicite. C'est un autre game, ça. Fait que dans la mémoire explicite, celle où ce qu'on est conscient, les informations peuvent être encodées sous forme de symboles et exprimées par le langage. Par exemple, des numéros de téléphone, des paroles d'une chanson, des souvenirs visuels d'un événement, etc. Tu sais, qu'on est capable de se forcer à se souvenir de quoi et qu'on est capable de le mettre en mots. On désigne d'ailleurs souvent la mémoire explicite de mémoire déclarative, en ce sens qu'elle peut être mémorisée et suscitée sous forme verbale, que l'on peut donc déclarer. Mais au contraire de tout ça, la mémoire implicite désigne, elle, le stockage et la récupération de données généralement inaccessibles à la conscience, donc acquises et récupérées à un niveau inconscient. Ce sont des souvenirs qui concernent souvent des associations et le savoir-faire, faire du bike, mettons, tu sais, faire du bike. Hein, par exemple, d'autres exemples plutôt, comment composer un numéro de téléphone. Fait qu'on se souvient avec la mémoire explicite d'un numéro de téléphone en particulier, mais la manière de composer un numéro de téléphone, ça, c'est de l'ordre de l'implicite. Fait que des fois, là, on a un automatisme, on se souvient quasiment plus du numéro de téléphone de notre pizzeria préférée et ça y va suite au toast vraiment automatiquement. Ça, c'est un exemple. Oui. Il faut que tu peux même avoir des aides mémoire, comme genre juste prendre ton téléphone physiquement, ça va faire que tu vas te rappeler comment faire le téléphone. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Cool. Savoir aussi comment chanter une chanson. Donc, souvent, quand on chante beaucoup, à un moment donné, on ne fait pas juste se souvenir de paroles comme « Ah, c'est vrai, ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. » Mais tu sais, à un moment donné, ça vient de ça. « Ah, ce qu'on est bien quand on est... » C'est du savoir-faire, tout ça. On n'a d'ailleurs souvent aucun souvenir précis en exécutant ces choses, et même que penser à ces choses en soi peut inhiber notre aptitude à exécuter ces activités de façon efficace. Par exemple, jouer une pièce de musique qu'on connaît par cœur, si on y pense trop, ça nous bloque. Les grands pianistes, il faut qu'ils mettent leur cerveau à off. Là. C'est leur doigt là, qui va sur le clavier. Ben, le clavier, ça dépend de quoi ils jouent. Là, sur leur piano Bassendorf. Double bass. C'est ça. Yamaha. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de mémoire procédurale lorsqu'on parle de la mémoire implicite, quoique, tu sais, c'est une généralisation puisque pas tous les souvenirs de la mémoire implicite sont de nature procédurale. Par exemple, les associations et le conditionnement sont entrepris par la mémoire implicite et n'appartiennent pas à la classification procédurale. C'est pas une procédure, là. Quand t'as associé, ton cours de comptabilité à un très long bâillement ou quand t'as associé la cafétéria du QTR à des sandwichs aux œufs à 4 piastres. Ah! Ça n'a rien de procédural. Ouais. Et voilà. C'est juste du vol. C'est juste du vol. Et voilà. On peut tout de suite, si vous vous souvenez, par le passé, je faisais tout le temps un petit bout de musique parce que je suis pas capable de m'en détacher. Oui, je récidive encore cette année en commençant par une belle petite chanson que vous avez peut-être déjà entendue aux ondes de C'est fou en tant qu'introduction de pause. Mm-hmm. Lorsqu'il y avait les pauses, c'était Backyard Souvenir de La Patère Rose. Ooh. Mathieu, lance-moi ça. Ah, ok, je te lance ça là. Justine Bertine. C'est fou. Envole-toi quelque part loin de moi. Prends un avion qui t'emmènera sur tes côtes. Dans un pays où je ne comprends pas la langue. Te savoir ici me donne mal à la tête. Te savoir ici me pousse pousse à ta reconquête. Envole-toi quelque part loin de moi. Donne les clés de l'appartement à ton frère. Laisse les plantes et le chat mourir en cuillère. Ça groove, yeah, yeah, yeah, ça groove, disco, yeah, yeah, yeah, yeah. Oui, oui, oui, oui. C'était In Memory Capsule de Cut Copy que j'ai trouvé dans mon ordinateur à mon insu de ma personne. Que t'as vraiment essayé de copier-coller sur une clé USB. Sur un disque dur externe, ça n'a pas fonctionné. Sur une clé USB, ça a pris 3 fois. J'ai vraiment de la difficulté avec la technologie, tu sais, j'ai 28 ans. Ouais, c'est ça, ça le problème. Oui. Moi aussi, j'ai 28 ans, ça. C'est ça. En deuxième, on avait écouté Memorize the City de The Organ. La première chanson, si vous vous souvenez bien, c'était Backyard Souvenir de ma chère Pater Rose, Pater Rose. Donc, vous vous doutez probablement que la thématique de ma petite chronique ce matin portait sur la mémoire. Hein? Je suis tout le temps dans les thèmes, tout le temps. On est pas dans les temps, là, mais tout le temps dans les thèmes. Ben, t'étais on time ce matin. Oui, ça va. Même pas, t'es dans tes temps pour la fin de la chronique. Tout va bien. Cet hiver, par contre. Ouais, c'est ça. Ça va changer. Ça va être une autre histoire. Oh, c'est un défi. Ouais. Et c'était tout. Merci, Justine. Ça me fait immensément plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne te connaissent pas, là, quand même, tu es encore à l'université. Est-ce que tu travailles encore à... Est-ce que tu coupes encore des cerveaux? Ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Oui, c'est toujours d'actualité. Mm-hmm. D'où le sujet de la mémoire. C'est ça. Et voilà, non, c'est encore d'actualité. Ouais, cool. Je devrais finir bientôt. Ouais, moi, je veux savoir, vous les prenez où? Au village des valeurs, oui. Au cimetière, à l'autre bord de la rue. Vous savez que vous avez une animalerie à l'UQTR, ouais. Dans les sous-sols. Ben voilà. C'est ça finit là. Fait qu'il y a des techniciennes animalières, des humains, on prend leur cerveau. C'est ça. Non, non. On les étudie. C'est très, très, très strictement régulé, toute cette histoire-là. On peut pas aller les voir, hein. Non, malheureusement, même les chercheurs peuvent pas aller les voir. Il leur faut une formation spéciale. Wow. Pas vrai? Oui. On peut pas juste aller se promener, genre? Non, non, on peut et pas. Et découvrir? Même si on a une passe média? Oui, alors on fait un journalisme reportage. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Wow. De faire un journal d'enquête. Disons, le campus est là. Écoutez, ça passerait jamais, vous le dites tout de suite. Oh. Justine, on te retrouve aux deux semaines, aux comme deux toujours. Semaines. Oui. La formule ne change pas. Malheureusement, on doit te prendre aux deux semaines. Oui, je suis bimensuelle de même. C'est ça. La bimensualité en choque plus d'un. Je sais pas de quoi je parle. Je sais pas trop. On finit là-dessus. Mardi, à 7h30 aux deux semaines. Oh yes. Merci, Justine. Bienvenue. On prend une pause. Au retour, un nouveau morceau dans l'équipe. On va vous présenter ça. Marc-Olivier Dumas sera là pour la chronique sport et philo. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Deuxième heure d'assemblage requis en ce mardi 19 septembre 2017. Qu'est-ce que t'as à rire, Tania Baudin? Ben, je sais pas, mais ça, en tout cas, on se faisait des signes. Ouais. Nos signes sont pas tout le temps comprenables. On dirait du baseball. Exactement, pareil. Ça ressemble aux aigles, sauf qu'on perd pas à la fin. Marc-Olivier Dumas. Oui. Salut. Tantôt, tu vas nous parler de sport dans ta chronique Sport et Filoché. Ben, c'est le nom de la chronique. C'est moi qui l'ai inventé, le nom, c'est pas lui. Je veux pas qu'il prenne le crédit pour ça. Non, c'est mon ancienne chronique. C'est ça. Qu'on lui donne. Tania lègue sa chronique à Marc-Olivier. Petit survol de ce que tu vas nous discuter tantôt, petit sujet. Ouais, les Patriotes étaient en action cette fin de semaine. Vos soccer, cross-country, même au hockey, on avait des matchs pré-saison. Et on va faire un petit tour sur la Ligue Can-Am parce que même si les Aigles gagnent pas, il y a d'autres équipes qui gagnent. C'est en effet. Les Aigles juniors, entre autres. C'est pas rare, ça. Les Aigles juniors, on va s'en parler, les Aigles juniors. Je peux en parler un petit peu. Tu disais les poulets. Les mini. C'est ça, c'est des comment on appelle ça, là? C'est quoi, tu sais, dans les ailes de poulet, t'en as comme tout le temps des bonnes puis des mauvaises. C'est comme les pilons. Les pilons. C'est pilons. Moi, j'aime bien ceux qui sont plates. C'est ça, c'est ceux-là, les aigles juniors. C'est ceux-là, parce qu'ils sont bons. Good! Mes amis, on écoute Corridor. Voici Coup d'épée. Je sais pas si on va parler d'escrime tantôt. Oh, je sais pas. Non. Le sabre laser. On confirme que non. Des assemblages requis jusqu'à 10 ans. corridor avec un coup d'épée à assemblage requis. On parlait d'aile de poulet tantôt, là. Je pense que je me suis mélangé. Pilon, c'est le gros bout de gras. C'est ça, c'est ce que t'aimes pas. J'aime pas ça. Puis c'est l'affaire poulet. Qui est meilleure. Non, c'est plein de gras, ça se mange mal. Je préfère les ailes avec deux petits os. Oui, moi aussi. Je préfère le gros pilon. On s'entendrait. Ouais, ben, c'est ouais, ça. De poulet, là. Moi, je prendrais tous les pilons, puis garder le reste. Puis Tania prendrait. La salade de choux. Probablement. Hey, Tania, elle a découvert le velours aujourd'hui. OK, c'est devenu genre un sujet national. Elle est habillée en velours, comme un coussin de divan. Pis ça doit être honnêtement comme la première fois en 15 ans que je mets du velours. C'est pour ça qu'on en parle. Exactement. Bon, là, ça c'était notre segment mode. Maintenant, on passe au sport et au trafic. Voici sport. Jean-Héroldi, tu peux partir. La chronique sport et philosophie qui commence un petit peu comme ça, on va s'habituer. C'est l'ancien thème de Patriote en action que Marc-Olivier a changé pour un autre. Fait que je me suis dit, ah tiens, moi le prendre. C'est correct. Moi le prendre, sans permission. C'est correct. Je l'ai laissé tomber. C'est ça. T'avais beau. Ouais. Je l'ai récupéré au vol, telle une balle de ping de pong de tennis. De tennis de tel melon, Roger Federer de la radio. De chapeau melon et bottes de valove. Truc. Chapeau melon. Chapeau valove. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois que les sports cet été, j'ai vraiment très très suivi ça. Hein? Oui, je vois ça. Marc-Olivier qui nous arrive directement du jeudi matin à son émission Patriote en action à midi tous les jeudis. 11h. 11h. 11h à midi. 11h à midi, c'est pas ça que j'ai dit? 11h non, à midi. Non, t'as dit midi. C'est pas grave. 11h à midi. Alors, non, à midi c'est toi. Midi c'est nous. C'est vrai? C'est Tania et moi. C'est ça. Bref, Patrice en action que tu animes depuis l'année passée, là, oui. T'as choisi de faire une chronique de sport qui va être différente de ton émission, bien sûr. Bien sûr. Et de la faire en début de semaine pour pouvoir parler des sports de la fin de semaine, surtout, j'imagine. Ouais. Donc, de quoi est-ce qu'on parle pour commencer? Aujourd'hui, je vais parler de la Ligue Can-Am parce que, bon, tu étais avec moi pratiquement tout l'été pour le talk show des Aigles. Oui. Et ensemble, on a vécu les défaites des Aigles plus que les victoires. Qu'on a de mauvais souvenirs de cette saison. Incroyable. Est-ce qu'il y a de bons souvenirs cette saison? Charles Bournival qui nous appelait. Oui, tout seul, le seul appel qu'on a eu pendant tout l'été. Bon, salut. Ah, c'est merveilleux. Non, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, on dirait que les gens ont pas envie de parler quand ça va mal. Mais non, mais c'est sûr. Et non, et ce qui est arrivé plus souvent qu'autrement, c'est qu'ils perdaient. Je veux dire, je pense que 90% des émissions que j'ai faites, c'est suite à une défaite. C'était les mardis et vendredis, c'était pas leur journée, faut croire. Non, les mardis, c'était pitoyable. Je pense que j'ai fait une partie après une victoire et j'étais tout fou. T'as fait l'émission 3 heures, c'était incroyable. Mais bon, c'est ça. T'sais, les Aigles ont passé plus proche de finir derrière Cuba que de faire les éliminatoires. Cuba qui a joué quoi? Deux cinq matchs. Ouais, c'est ça? Une quinzaine. Ouais. Donc, c'était la finale la semaine passée et les Capitales de Québec affrontaient les Boulders de Rockland. Mm-hmm. Et bon, moi, un petit peu en folie, je regardais ça jeudi pendant mon émission. Je fais « Hey, c'est le troisième match ce soir. C'est à Québec. » J'ai écrit à mon ami. Je fais « Ça te tente-tu de faire une défolle? On s'en va à Québec. » Fait que je suis allé voir le troisième match. Belle victoire de 9-3 des Capitales qui sont champions. Encore une fois. Voilà, ouais. Encore une fois. Leur septième titre, rien de moins. Ouais, ben c'est mérité, ils jouent bien. T'sais. Oui, ils ont une bonne équipe, eux autres. Ils engagent des bons joueurs, ça je te dis. Ils ont une bonne équipe. C'est ça. Et bon, c'était une très très belle soirée, on était bien dehors, tu sais. Ce qu'on aurait pu avoir à Trois-Rivières si on avait fait les éliminatoires. Est-ce qu'il y avait des ailes de poulet ou des pilons? Non, il y avait juste des hot dogs. Ah, dommage. Donc oui, on est descendu à Québec, une belle victoire de 9-3. Donc les Capitales qui gardent le trophée de la CANAM, en seul Canadien. Oui. Parce qu'après les Aigles, ce fut les champions l'an dernier. Et là, c'est Québec qui remporte le championnat. Hey, j'ai appris, tu vas vraiment rire de mon ignorance, mais j'avais aucune idée que CANAM, c'était quelque chose qui avait rapport avec les véhicules. Ça a-tu rapport avec les chars? Pas du tout. Non. Ben oui, j'ai vu CANAM avec le logo. Oui, mais pas pour cette... Ah, mais c'est le même logo! Non. Non, pas du tout. Quasiment? Non. J'ai vu CANAM, c'est la même affaire. CANAM, c'est Canadian American Association. J'étais sûr que c'était ça en plus. C'est ça ma théorie avant de voir le logo sur les trucs de char. Et en ce cas, c'est pas BRP, là, Mathieu. Non. C'est pas du tout la même chose. D'accord, on va enchaîner. Bon, les équipes de soccer étaient au stade Gilles Doucet la dernière fin de semaine, autant du côté masculin et féminin. Et des belles surprises. L'équipe féminine qui montre des belles choses depuis le début de la saison. Une belle victoire de 4-0 la semaine dernière face à Bishop. Bishop, que je le rappelle, qui a décidé de sacrer son camp dans les provinces atlantiques au niveau du football. Ah oui, pour vrai? Ouais, il était tanné de se faire planter par Québec. Ouais, bon. Ben ouais. Trop fort, Québec. Ça, c'est trop difficile. Fort. Ouais, honnêtement, ils sont forts, Québec, là. C'est tannant. C'est tannant de voir tout le temps Québec gagner tout. Les hommes, par contre, eux autres, n'étaient pas en action. Il y avait juste le côté féminin. Il n'y a pas de Bishop au niveau masculin. Ah. Non, c'est vrai. Donc, c'est un peu plate pour ça. Donc, les hommes avaient une belle petite soirée de repos cette semaine. On va reprendre cette semaine. Le prochain match a lieu ce vendredi. C'est contre Concordia à Concordia. C'est la même chose pour les demoiselles qui vont jouer le deuxième match de la soirée. Donc, petite fin de semaine intéressante pour les Patriots Soccer qui continuent à jouer. Bonne chance. Du côté du hockey, c'est la pré-saison. On affrontait les Redmen de McGill. Et les Redmen, on va se le dire, là, j'ai reçu Marc-Étienne en entrevue ce dernier jeudi. Et à ses dires, les Redmen, c'est l'équipe à battre. Là. Ça va être l'équipe la plus forte. Les Patriots qui vont tenter de rebâtir tranquillement une équipe parce qu'on a perdu Guillaume la Asselin. Moitié. La moitié. Non, mais carrément, c'est la moitié. Ouais. Donc, Guillaume Asselin, Martin Lefebvre, Tommy Giroux, tu sais, tous les gros noms des Patriots, là, le monde qui allait voir Asselin, ben, il ne sera plus là. Ah. Mais on espère qu'on ne se fera pas planter. Et au dire de Marc-Étienne, on a des chances quand même de faire un bon bout. Les joueurs vont grandir. Mais là, c'est McGill, l'équipe à battre. Et on avait des matchs pré-saison, justement. Et deux matchs pré-saison, un à McGill et un à Trois-Rivières. Eh bien, les deux équipes se sont partagées les honneurs. Le premier match a été remporté par les Redmen. 3-2 en tir de barrage. Rien de moins. Mais ça vaut pas de points, c'est la pré-saison. Ça, c'est, ouais, c'est ça. Il amène des castors sur la patinoire. Exact. Tir de barrage, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Cool. On amène des castors. Ouais. Puis le premier castor de l'équipe qui détruit le barrage de l'autre gagne. Hey, j'avais raison, j'étais sûr que c'est ça. Le but, c'est d'arroser l'autre équipe. OK. C'est ça. Cool. Ben, en fait, le gardien, tu sais, il faut que le gardien cède. Cède comme le cèdre, comme l'arbre. Exact. OK. Wow. Hey. Aïe, aïe, aïe. J'apprends, là, j'apprends. Ouais, je vois ça. Il s'améliore. D'ici la fin de l'année, il va être parfait, là. C'est ça, il va tout comprendre. Tu sais, il va comprendre qu'au tennis, c'est pas une raquette dans le fond, là. C'est juste une palette, tu sais, comme une affaire de bois, là. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, le tennis. C'est ça, comme une, okay, une raquette comme pour les dents la main. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, comme, donner, tu sais, comme les maîtresses d'école dans le temps, donner oui. Les grappes, là. C'est ce genre de palette, là. Tac. Okay. C'est avec ça qu'on joue au tennis. Hey, wow. C'est cool. Donc, le second match a été remporté 3-2 par les Patriots. Victoire en toute fin de match. Ne marquer le but de la victoire, il restait environ 2 minutes à jouer. C'est au match. C'est le fun, ça, quand ça finit sur un punch comme ça. Ben, c'est le fun pour l'équipe qui gagne. Ouais, bah oui. Quand t'es l'autre équipe, ben là, on s'en fiche chez McGill, là, mais. Quand t'es l'autre équipe, puis ça arrive, c'est un peu moins le fun, je vais avouer. Tu sais, je sais pas si t'es amateur un peu de jeux vidéo, oui. Quand tu perds à la dernière seconde. C'est plat. Un petit peu. Tu sais, ouais. Tu fais comme tout ça pour rien. Pour rien. On s'en reprendra. Mais on a quand même été bon l'année dernière contre McGill, justement, au niveau des pattes. Oui. Ça va être intéressant de voir comment on va se débrouiller cette année. En effet, on avait été pas mauvais. C'est d'ailleurs les Redmen qui nous avaient éliminés lors des éliminatoires. Un peu crève-cœur parce qu'on avait quand même une bonne équipe l'année dernière. Je dis pas qu'on a une mauvaise équipe cette année, mais là, il y a un cycle qui recommence. Parce que c'est un peu, pour les auditeurs, c'est un peu comme le hockey junior majeur. Dans le hockey junior majeur, les gars sont là 4 ou 5 ans. Donc, à toutes les 4-5 ans, c'est complètement des joueurs différents. C'est un cycle continu. Okay. Donc, il faut changer. Et c'est un peu la même chose ici. Veux pas. Les joueurs sont limités à 5 saisons. Puis, il y a des joueurs qui le font en 3 saisons. Là. C'est le temps de leur bac. C'est ça. Il y a quand même une rotation. C'est pas tout le monde qui part en même temps, mais il y a des motons, des fois, qui partent. Mais oui, oui de gros motons qui sont assez importants. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a quand même un roulement qui est assez important. Et des fois, c'est dur pour certaines équipes, justement, de rester compétitif année après année. Parce que, justement, tu sais, comme là, les Guillaume Asselin... Ouais, c'est à reconstruire l'équipe presque au complet. C'est ça, mais il y a beaucoup de joueurs, les Patriots, qui sont partis dans des équipes professionnelles. Ouais. Pas dans la Ligue nationale, on va se le dire, là, dans la Ligue américaine. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Mais ils sont quand même partis, tu sais, c'est des joueurs qui vont jouer pro. Donc, c'est quand même des joueurs de qualité. Ça donne beaucoup de pression à des gars comme Marc-Étienne, qui doit faire du recrutement en plus de coacher. Donc, c'est un gros travail qu'il y a à faire. Je suis pas inquiet par rapport à ça. Peut-être une année de transition cette année. C'est exactement ça. C'est assez dire. C'est une année de transition. Donc, j'ai bien hâte de voir le résultat final. Est-ce qu'on suit encore Patriot.tv cette année? ça continue? Je ne suis pas courant de Tania, de c'est pas non plus? Bien, il y a eu les matchs préparatoires qui étaient diffusés sur Patriot.tv, donc si j'imagine diffusé, qu'il va y avoir la saison. Ouais. Si super, c'est diffusé en pré-saison, ça va être diffusé durant la saison. Toujours très intéressant. Mm-hmm. Tant mieux. Niveau cross-country, c'était la première compétition cette fin de semaine. La compétition qui avait lieu à McGill, donc c'était le McGill Open. Et du côté masculin, autant au niveau équipe, c'était un petit peu plus difficile. On parle d'une 17e place sur toutes les équipes présentes. Autant au niveau collégial, donc les cégeps qu'universitaires. C'est une 17e place sur 35 équipes environ. Donc, c'est un résultat peut-être un peu en deçà des attentes. Mais au niveau individuel, c'est quand même un excellent résultat de Marc-Antoine Sunville qui a terminé 23e au total, 19e au niveau universitaire. Donc, une très, très belle performance de sa part à lui. Là, il y avait quand même, je compte ça rapidement, là, on parle de 300 coureurs. Mm-hmm. Oh, wow. Mm-hmm. C'est 300 coureurs qui s'affrontaient, une 19e place. C'est quand même un excellent résultat pour Marc-Antoine qui termine 19e. Mm-hmm. Ça, 23e au total. Cross-country, ça c'est quand tu joues à la crosse avec un chapeau de cowboy. Hein? Exactement, puis là tu utilises ta main gauche pour t'sais... pour avec ton lasso. Exact. Ah non, je parlais pas de masturbation, je parlais de la crosse comme le sport. Ah la crosse, ah la crosse, ah comme le jeu d'Indien. Hein? Toi t'es vraiment allé à une place un petit peu plus... Trash. Ouais. Ben là, c'est du trash metal qui joue en arrière. C'est ça que ça fonctionne. C'est jour des poubelles, non? Mais c'est ça, c'est tu joues dans le bois, country, tu sais, country, ouais, cross, ouais. Tu joues à cross dans le bois. Non, hey, sois honnête, là, c'est quoi sinon? Non, c'est de la course, en fait, justement, dans des parcours un petit peu plus boisés, en montée, tu sais. La boîte. Des fois, oui. En fait, l'athlétisme de base, souvent, se fait sur piste. Tu vas le voir, par exemple, si tu regardes les Jeux Olympiques, ben, il va avoir une piste de 400 mètres, puis ils vont tourner autour. Okay. Mm-hmm. Le cross-country, c'est vraiment dans la nature. Mm. Donc, t'es un peu au dépend de la nature. Il y a des intempéries qui peuvent être devant toi. Par exemple, lorsqu'il y a eu la compétition à l'UQTR, la course a eu lieu au club de golf de grand-mère. Ah. J'ai vu aussi des courses avoir lieu à Vallée-du-Parc. Tu sais, il n'y a pas de neige l'été, là. Mm-hmm. Fait que, non, mais il peut y avoir de la boîte! Oh, oui! Mais la course a lieu là, donc dans la montagne. Donc, pour les athlètes, c'est un peu différent. Là. C'est pas le même genre d'énergie, c'est pas le même genre de cardio parce qu'ils doivent se dépasser autrement. Tu sais, quand t'es juste sur une piste, ben, il n'y a pas de côte à monter, il n'y a pas trop d'obstacles devant toi, là, c'est facile. Alors qu'en cross-country, ben, des fois, il faut que tu fasses un petit peu attention où tu mets les pieds. Mm-hmm. Tu sais jamais quand il va y avoir une branche devant toi puis que, toc, merci, t'es la face à terre c'est et tu vois ta vie passer devant toi et te dire, mais quelle idée j'ai eue de faire du cross-country dans la vie. Fait intéressant pour ceux qui connaissent, le plus maladroit en ville, David Ferron, était dans l'équipe de cross-country avant. Imaginez le coup. Puis se planter. Oh, ça devait être drôle. On l'adore. J'ai l'impression qu'il court bien. Probablement. Sûrement qu'il me bat. T'sais, ça me tente même pas de m'essayer contre lui parce que je suis sûr qu'il... Il court tous les matins, là. Ouais. Je veux dire, c'est clair qu'il regarde à un certain point où il va, j'imagine. Sûrement. Tu sais, moi, dans la vie, je suis pas un coureur, je suis plus un nageur. Là. Je joue au water polo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ouais, pas vrai? Oui. Water polo, rappelle-nous donc un petit peu ce que c'est. Je savais pas qu'il y avait des ligues de ça ici, à Trois-Rivières. Ben, à Trois-Rivières, il y a une équipe. OK. Les ligues sont à Montréal. Il y a une équipe à Trois-Rivières. Il y a quelques équipes à Québec. Il y a une équipe à Chicoutimi. Il y a quelques équipes au Québec. Le water polo, c'est comme un peu un soccer handball, mais dans l'eau. OK. C'est un jeu qui est très, très physique, très, très demandant au niveau énergétique. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'attendent d'essayer le sport, les pratiques viennent de recommencer justement hier soir. C'est le lundi 19h30 à 21h et le mercredi de 20h à 21h30. On offre les 6 premières pratiques gratuitement. Donc, si ça vous tente d'essayer, venez au CAF. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de vous montrer ce sport-là. Sport qui est très, très physique, très, très demandant, mais maudit que c'est le fun. Est-ce que ce sont des équipes mixtes ou vous faites équipe masculine seulement? Okay. Les ligues sont mixtes, c'est ce qu'ils appellent du récréatif et du compétitif, mais on joue autant contre des gars contre des filles. Puis il y a des filles, je vais vous le dire, qui sont plus sauvages que des hommes. Ah ouais? T'sais, c'est sûr. Des ongles, là, ça fait mal. Oui, effectivement. Sa blonde se demande qui l'a griffé la veille. Oh, il a joué au water polo. Une fois, c'était vrai que ça m'a blanc, par contre. Juste une fois. Oui, j'ai vu des parties arrêtées par des arbitres pour regarder si les ongles n'étaient pas trop longs. Oh, tu pourrais pas jouer, je pense. Il arrêtait le match, il regardait les ongles de tout le monde. Mm-hmm. Il fait, toi, t'es correct, toi, va te couper les ongles. C'est comme dans l'armée. Ah, pratiquement. Ouais, mais c'est parce que tu veux pas faire mal à personne. Ah, j'en ai vu au sang à cause de ça. Moi, ouais, c'est ça. Oh, oui, c'est ça brasse. D'autres sports, tu me posais comme question. Oui, j'allais dire d'autres sports qu'on connaît pas qui se passent au CAPS qu'on peut auquel on peut participer. CAPS, à ma connaissance, il y en a pas d'autres que le water polo. Bon, tu peux toujours t'entraîner. Je sais qu'à Trois-Rivières, il y a une équipe de rugby aussi. Ah oui? Mm-hmm. Les Braves de Trois-Rivières, leur saison vient tout juste de terminer. Donc, je pense qu'ils ont leur fête de fin de saison cette fin de semaine à la Grange. C'est un sport que j'ai toujours voulu essayer, mais quand je suis venu pour essayer, j'étais blessé. C'est violent, ça. Hey, ça, c'est violent, puis c'est difficile à comprendre, honnêtement, là. Oui, c'est pas un sport qui est facile. Même moi, je suis amateur de sport en général. J'aime ça regarder la Coupe du monde de rugby. Puis là, j'essaie de comprendre les règles. Puis là, t'as l'arbitre qui siffle. Puis je fais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas le même style qu'au football. Mais en théorie, tu sais, c'est sensiblement c'est pareil. C'est exactement. C'est pas du tout pareil. Non. C'est juste que le football américain est inspiré du rugby. En fait, le football canadien est un jeu qui est beaucoup plus proche du rugby que le football américain va l'être. Parce qu'il y a des nuances dans les règlements qui font ça. Mais... Bon. Ouais. Ça sera pour une autre chronique. C'est ça. Bon, on a toute l'année pour en parler. Oui. Un autre sport qui m'intrigue quand même, qui ressemble au basketball, le netball. Apparemment qu'en Europe, c'est bien, bien populaire. Oui, netball, d'ailleurs, c'est un des sports qui va avoir lieu au Jeux du commerce. Ah ben, dis donc, toi. Quel hasard incroyable. C'est comme ça que j'ai connu ce sport-là. Netball. C'est comme le basket, mais pas de board en arrière. Oui, exactement. Donc, tu sais, t'as pas le choix comme juste un... Un net? Ouais. Fait que tu fais un switch ou tu l'arrêtes. Ouais. Ok. Tu n'as pas la chance de. Ah, j'ai raté. Ah, le board. Ouais, ah, c'est dans ça. Dans le panier. Quel dans coup de chance. Panier. Mais comment il tient? S'il n'y a pas de board derrière. Ben, en fait, il y a un poteau qui tient le panier. C'est tout simple. C'est tout simple. Bref. Je vois. C'est un peu comme le Quidditch, dans le fond. Le Quidditch. Ouais, un peu. Quelle position tu jouerais au Quidditch? Oh, je sais pas. Je pense que je serais cogneur. Ah, on serait deux. Ouais. Moi, je serais agressif. J'ai aucune idée. Toi, tu serais. Je sais que ça existe, mais. Bencher. Bencher, parfait. C'est lui qui court après le vif d'or. Non, ça, c'est l'attrapeur. Non, lui, il serait sur le banc. Sur le banc. Ouais. Il encouragerait. Il ferait go, go, go, go, go. Wow. Ou avec le chandail que t'as ce matin, tu pourrais être arbitre. Je suis ligné noir et blanc aujourd'hui, j'avoue. Hein. J'avoue que je pourrais être arbitre. Peut-être. Ça, bref, ça serait mon seul talent, vu que je ne sais certainement pas à jouer à des sports. Hein. Vraiment pas. Hey, rapidement, les gars, on parlait du club de rugby. Sachez que les filles aussi peuvent jouer. Hein? Ah, oui. Dans le club de rugby, je viens de voir ça sur Facebook, si jamais ça intéresse. Oui, c'est autant. Il y a un club masculin, un club féminin. Mm-hmm. Et c'est un sport que je trouve très intéressant, que je vais encore essayer, mais je sais que les dangers de blessures sont très c'est présents. Ça. Mais je dis ça, water polo aussi. Là. Je veux dire, je suis sorti de là avec des ecchymoses plus qu'une fois. Ah, ouais. C'est sûr. Parce c'est agressif que tout ce qui aussi, là. Passe en dessous de l'eau, ben ça, monsieur l'arbitre que j'ai en face de moi ne le voit pas. C'est ça. C'est caché. Ben, tu sais, quand il y a de la broue dans l'eau, des fois, tu vois pas tout ce qui se passe. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de coups qui se passent sous l'eau. Et, Puis ça joue automatiquement dans le creux, je pense. Oui, oui, ouais, on touche ça. Pas dans le fond, là. Jamais, jamais. Wow. C'est des périodes. Nous, ce qu'on joue, c'est des périodes de 7 minutes. OK. Mais 7 minutes. Intense. Ouais. Ah, c'est très intense. J'ai joué une partie une fois au complet. On était. Tu sais, c'est deux équipes de 7. 6 plus un gardien de but. Et cette journée-là, on était 8. Mm-hmm. Et mon coach me dit, ben aujourd'hui, étant donné que t'es comme un des plus forts, t'as pas le droit de changer. Faut que tu joues au complet. OK. Merci, boss. Mais ouais, c'est ça. OK. Après 28 minutes, j'avais hâte que le match finisse. Ouais, c'est est-ce ça, que vous avez exact. Gagné? Oui! Hey, bon. Est-ce que c'est possible d'aller vous voir? Comment on sait comment ça fonctionne, les équipes et tout ça? Les matchs ont lieu à Montréal. Il y a des tournois aussi ici et là, à Québec parfois. Les matchs ont lieu à Montréal. La saison n'est pas encore sortie, la cédule. En temps normal, ça a lieu au Cégep du Vieux-Montréal. C'est possible d'y aller. Des fois, il y a des matchs aussi au Centre Claude-Robillard. Cool. Ça, il y a des belles estrades qui sont faites pour ça. En fait, la piscine a été faite pour ça durant les Olympiques. Donc, toujours intéressant. Il y a aussi la Major League qui appelle. Donc, c'est les meilleurs joueurs de water polo au Canada qui s'affrontent. Le final, le 2 ans, a eu lieu justement au complexe sportif Claude Robillard. C'est du très, très bon water polo. C'est plaisant à voir. Ce qui est triste un peu, c'est qu'il n'y a pas de match qui ont lieu à Trois-Rivières. Il faut vraiment se déplacer soit à Montréal ou Québec pour aller voir ce genre de match-là. Ouais. Ce serait le fun, ce serait s'ils changeaient le nom pour water polo, comme les poulets, et puis faire du poulet aquatique. Non. Juste water polo. Non. En terminant, j'ai parlé du côté du volet masculin de la chose du cross-country. Ouais. On va quand même pas oublier les mesdames. Ben non. C'est une performance un petit peu plus difficile pour les mesdames. La meilleure performance est venue de Emma Philippou, avec une 86e place au total. 86 sur quand même... Vous êtes 300 quelques? Ouais. 281 quand coureuses. Même. Ouais, ouais. C'est... Respectable. Oui, respectable, on va se le dire. Mais c'est le premier tiers. Oui, même quasiment premier en cinquième. Ah oui. Ouais, c'est border. Mais on s'attend quand même à une équipe d'élite comme ça. On aimerait ça avoir des meilleurs résultats, c'est sûr. Mais il y a des équipes comme le Rouge et Or de l'Université Laval qui sont vraiment, mais vraiment forts. Là. L'athlétisme là-bas, c'est comme une religion. Mmh. Mais l'équipe vraiment, l'équipe qui a remporté, c'est McGill, les Marklets de McGill. Parce que McGill, tu sais, les hommes ont les Redmen, puis mm-hmm. les femmes ont les Marklets. Ah, je savais pas. Ben, ouais. Tu verrais-tu les femmes jouer pour les Redmen? Non, j'avoue que ce serait bizarre. Non, c'est ça. Ce serait un peu bizarre. Les Wet Bowmen. Et juste à titre informatif, la façon que les points fonctionnent pour une équipe au cross-country, c'est selon ta position. Donc, si tu finis premier, t'as un point. Si tu finis deuxième, t'as deux points. Et comme au golf, l'équipe qui a le moins de points à la fin remporte ouais. le... OK, ouais. Donc, ça donne beaucoup d'importance sur... le classement en équipe. Et l'UQTR ayant pas assez de coureurs, on en a 4 et le nombre nécessaire est 5. Bien, l'UQTR n'est pas classé dans le classement. Donc, ils sont comme en recrutement, si j'ai bien compris? L'UQTR est en constamment en recrutement pour certains sports. On n'a pas les bassins de, ouais, du Rouge et Or ou des Carabins. C'était la même chose l'année dernière avec l'équipe de badminton. On n'avait pas assez de joueuses pour faire une équipe. Ils jouaient hors concours, mais il n'y avait pas d'équipe en tant que telle UQTR. Ouais. Donc pour aujourd'hui, ça fait le tour, pas mal. Cool, plein de sport et on va continuer ça chaque semaine avec toi, Marc-Olivier. Tu vas nous faire découvrir plein de choses et nous renseigner sur les équipes locales, les équipes du campus, ailleurs en Mauricie. Oui, parce que le junior majeur va commencer bientôt avec les Cataractes. Mm-hmm. Cataractes qui, espérons-le, va être compétitif. L'année passée, ils avaient quand même eu une bonne saison, malgré un parcours plutôt court en éliminatoire. Mais cette année... tout est là et pour ceux que ça tente, ça te coûte vraiment pas cher. C'est à 25 minutes de voiture à peu près. Donc ça vaut la peine d'y aller. Puis même si vous avez vos petits carnets antidote, il y a même des billets gratuits dedans. Ah ouais! Oui. Le petit truc de coupon de restaurant. Exactement. Il y en a 4 billets gratuits. Donc ça peut être très très tentant pour ceux. Une belle petite soirée en famille. Il vous reste juste à payer la bière et les hot dogs. Hey. Juste. Quelle belle offre. Bon, ok, ça va te payer plus que. Ça va te coûter plus cher que tes billets. C'est ça, exact. Mais, tu sais, c'est quand même pas le Centre Bell. Fait que la bière, elle coûte pas 12$. C'est mieux. Alors, Marc-Olivier Dumas qui est prêt à aller retourner jouer à Call of Duty avec son casque, non. avec un micro. Non, c'est quoi? Non, quoi je joue pas Call of Duty. Il y a un micro sur son casque. Ouais, ben, c'est mon fancy. Casque de gamer. C'est pour Rocket League. Plus. Rocket League. Rocket League, tu sais, tant qu'à rester dans le sport. C'est ça. On tous bien faire ça en jeu vidéo. Exact. On te suit sur Twitch, j'imagine. Oui, d'ailleurs, ce soir, j'ai une course à partir de 16h, Dracula 013, la chaîne. Okay. Diddy Kong Racing, le jeu. Nice, j'adore ce jeu-là. Très oui, bon jeu. C'est une course à partir de 16h, je joue contre un des meilleurs au monde, je vais me faire planter. Ah. C'est pas grave, ça va être la troisième fois que je stream en 2 mois. Fait que... Fais donc confiance en toi un peu, là. Non, non, il n'y a aucune chance que je gagne Entraîne ce soir. Entraîne tes pouces. Tu sais, c'est affronter un gars qui a son meilleur temps à 1h55 contre un gars, moi, à 2h20. Bon. Ouais, on te souhaite quand même, Marc-Olivier Dumas. Alors, on t'écoute La Patriote en action tous les jeudis à 11h. En rappel, les samedis à exactement la même heure. Donc, si vous voulez vivre un moment de pareil à même heure, la un même chose. Un déjà-vu. All over again. C'est les samedis à 11h. Donc, jeudi ou samedi à 11h, Patriote en action. Merci, Marc-Olivier Dumas. Ça me fait plaisir. Une bonne journée. Bonne journée. Bye. À la semaine prochaine. Toujours bye bye. Les mardis à 8h. On prend une pause et au retour, l'actualité africaine. Oui, oui, oui. Les domaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Exactement. C'est là. Toujours dans l'émission Assemblage requis avec Tania Baudin et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89 FM. Absolument. Rappelons-le. Dans quelques minutes, tantôt, on va recevoir Dominique Mabungu pour parler d'actualité africaine. Salut Dominique. Ça va? Oui, ça va bien, oui. Toi? De quoi tu nous parles tantôt? Ben, tantôt, j'ai parlé de réseaux sociaux d'abord. Mm-hmm. C'est, en fait, c'est une nouvelle rubrique. Je vais parler un peu des pages Instagram ou peut-être des comptes Twitter que j'ai trouvé intéressant. Peut-être les faire partager à nos éditeurs qui aimeraient aussi Cool. de nouvelles choses. Aussi d'un peu de sport aussi, d'actualité sportive aussi. On va rester dans le domaine du sport un petit peu, tant on mieux. Aime ça. Cool. C'est tantôt dans la chronique d'actualité africaine dans quelques instants. Mais avant ça, on écoute une pièce de The Andy Kaufman. C'est sur le palmarès anglophone, Tania. Oui, on parle de Inked Heart. Assemblage requis. Oh, l'accent, toi, britannique. Inked Heart. I had a feeling you'd come around. And when I'm dreaming, footsteps stomping the ground, and my heartbeat racing when you're near. Was lost, now I'm found. And when I'm floating above the ground, I can see it all over town. When I speak, no words come out, 'cause I'm a tongue-tied, twisted. Hard par The Andy Kaufman, assemblage requis. Tout le monde est pris par surprise, mais on aime ça. On parle maintenant d'actualité africaine. Voici la chronique Voix d'Afrique. Tam, tam, tam. J'ai hâte au refrain, là. J'ai dans la tête à chaque fois. Mavungu qui est là pour la chronique Voix d'Afrique sur cette chanson de Toto, Africa. C'est mon côté Keten qui ressort quand je mets cette chanson-là. Comment vas-tu, Dominique? Ouais, ça va très bien. Et toi, Mathieu? Ça va super bien. Tania aussi? Oui, ça va très, très bien. Merci. Ça fait depuis le mois d'avril qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est ça. Et qu'on n'a pas parlé d'actualité africaine. Donc, j'imagine que tu as beaucoup de choses à nous dire maintenant que tu es de retour. Et en plus, tu vas être avec nous et on l'annonce à chaque semaine, tous les mardis à 8h30. Donc, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Bon, de cette semaine, on va d'abord parler de... On va parler un peu d'été, un peu. Je vais vous raconter un peu les quelques événements, bien les quelques choses que j'ai faites au cours de mon été aussi, qui sont en rapport aussi un peu avec... un peu à la communauté quand même africaine aussi, mais au-delà aussi de ça. Et puis, d'une rubrique, tu sais, que j'appelais Voix d'Afrique, en fait, je parle de mes coups de cœur ou bien de peut-être d'un acteur. Aujourd'hui, je vais parler de Donald Glover. Ah oui, ben oui, je l'adore. Pour vrai, je l'adore depuis très longtemps dans Community, entre autres, à la télé. Donald Glover. Ouais. Si, c'est dernièrement, il a été nominé aux Emmys. Oui. Et on l'a vu il y a quelques jours. Il a été vainqueur dans la catégorie meilleur acteur dans une série comique, tu sais, pour Atlanta. Ouais. Et aussi meilleure réalisation pour une autre série télévisée qui s'appelle. Ah bon, là, j'ai pas marqué, mettons. Mais une autre série. Alors, on sait qu'il est aussi chanteur, il fait celui qui est Childish Gambino. Si, si, il a beaucoup de casquettes, et puis je trouvais que c'est une personne assez inspirante quand même, de faire autant de choses, et puis ça peut être aussi une inspiration quand même pour... Absolument, c'est qu'il fait plusieurs choses et il le fait bien. C'est contrairement à d'autres qui sont polyvalents, mais moyens. Mais moi, ouais, on va dire qu'il a un peu plus de réussite. Oui, en fait. Exact. Non, oui, que d'échecs. Je pourrais pas te nommer un échec de sa part. Donc, et au-delà de ça, je vais parler aussi un peu du Lesotho, en fait. C'est le premier pays d'Afrique, en fait, qui a délivré une licence de cannabis, en fait. OK. Oh, ah, d'accord. À l'avant-garde. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai découvert ce pays. Bon, après, j'avais déjà entendu le nom brièvement, mais bon. Mais là, j'ai appris qu'il vient de délivrer une licence pour faire du cannabis commercial, en fait, à une entreprise européenne, en fait, qui va venir faire des essais, qui aura des premiers plans et tout, et puis on va développer ça. Je pense que c'est pour une vente plus peut-être locale, tu vois, qui s'adresse à une peut-être population locale. C'est quand même une première en Afrique, tu vois, qu'on ait de cannabis médical. Là-bas, c'est plus prohibé, tu vois, on n'a pas vraiment... le droit, quand bien même il y en a beaucoup quand même sur le marché, tu vois, mais c'est pas comme légalisé, tu vois. Et le marché noir, dans le marché noir, tu vois, ma gag. Quel drôle blague. Il y a trop de gens, je pense. Ouais, le marché noir. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc mais je disais, c'est ça, et je pense que ça peut être aussi intéressant, tu vois, de pouvoir c'est une alternative à laquelle on pourrait peut-être se tourner, tu vois, parce que l'Afrique, c'est vraiment un gros continent. On produit beaucoup de cannabis aussi, tu vois, malgré que ce n'est pas déclaré. Je dirais, par exemple, le Ghana, c'est le troisième consommateur de cannabis au monde, tu vois. La qualité est bonne là-bas? Je ne sais pas. Bon, moi, je ne sais pas, mais je pense que oui. J'imagine, c'est populaire comme ça. Si, tu vois. Donc, L'effet doit être là, tu vois. Donc, je pense qu'on devrait aussi peut-être essayer de plusieurs pays devraient peut-être emboîter le pas, tu vois, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de vraiment caché, en fait. Et même les autres, même ici au Canada, ça sera bientôt légalisé, tu sais, l'année prochaine et tout, tu vois. Je pense que c'est, tu sais, légalisé, ça ferait pas forcément augmenter le nombre de fumeurs ou bien de criminalité, tu vois. Je pense que, tu sais, selon les études, ça va juste rester pareil. Tu sais, il faudrait juste s'afficher. Ouais, c'est ça. Ça se cache. Tu sais, je pense que pour eux, ça peut être aussi... quelque chose d'intéressant, en fait. Et donc, je vous parlais de mon été aussi tantôt. Donc j'ai participé à, j'ai assisté à un événement qui s'appelle Talents d'Afrique, en fait. Qui s'est tenu du côté de Québec, en fait. Et mettons comme un concours de talents où on invite plusieurs jeunes africains dans diverses catégories, et c'est à la fin que le public essaie de les classer, en fait, et leur donner des récompenses en fonction de... C'est en fonction des votes, en fait. Dans plusieurs catégories, j'imagine. Ben, en fait, mais justement, c'était ça qui était un peu... que j'ai pas bien compris, parce que ils étaient tous ensemble, en fait. Parce qu'il y avait des musiciens, il y avait des comédiens, il y avait des danseurs. OK, dans le sens que tout le monde compétitionne sur la même échelle, donc t'auras pas un gagnant dans la chanson, un gagnant dans d'autres catégories, c'est le gagnant dans tout le monde. Si. OK, Si, donc c'était ça, et... je trouvais que c'était un assez plaisant quand même à participer. Il y avait quand même une belle ambiance. Ça s'est tenu, je crois, à l'Impérial Bell. C'était une belle salle, une belle ambiance. Et puis, j'ai vraiment aimé participer à ça quand même. Et puis, de voir ces différents... Tu as participé en tant que... En tant que public, ça, voilà. Ouais. Puis en tant que public et tout. Et j'étais allé soutenir plus une amie, en fait, qui est elle est étudiante aussi à l'UQTR, en fait. Et ça s'appelle Une Quinoise. Et elle, c'était dans la catégorie humoristique, en fait. Donc elle est sortie quand même troisième, et puis elle a gagné le coup de cœur, en fait, du public aussi. C'est bon, ça. Ouais, donc c'était quand même c'était un bon moment. Et puis je pense que l'année prochaine, ils auront une autre. Là, c'était la troisième édition. Okay. Donc je me doute bien que peut-être l'année prochaine, ils auront la quatrième édition. Et je pense que ça peut être intéressant pour. Peut-être pour d'autres personnes qui sont dans le coin de Québec l'année prochaine, si vous avez pas de quoi prévu, vous pouvez faire un tour là. Et même si vous êtes à l'UQTR, ton ami a participé, donc j'imagine qu'on peut. C'est ça. Tout le monde peut participer à ça. Donc je pense que c'est un concours qui était bien, tu vois. Ça permet aussi l'intégration, parce qu'il y avait des personnes, des Africains un peu de partout et tout. Donc c'est pas plus mal. À côté de ça aussi, cet été, j'ai fait beaucoup de foot, beaucoup de soccer en fait. Oui. Donc, du football européen. C'est ça, du vrai exact. Football. Comme on appelle. Si. Donc, du côté de Montréal, en fait, c'est l'été, il y a tout le temps plein de tournois. Ils ont déjà beaucoup de pelouses et tout. Mm-hmm. Donc, il y a plein de mini-tournois qui sont organisés un peu partout, genre sur... que ce soit dans Montréal même ou dans les villes aux alentours. Donc il y a vraiment beaucoup de soccer et c'est vraiment intéressant en tout cas. Et même sans réellement peut-être connaître, tu vois, les inscriptions, tu peux les faire juste les trouver comme ça sur Facebook. Mm-hmm. Et peut-être monter une équipe et voilà, décider de participer comme ça. Tu vois. Donc ça se fait vraiment naturellement et tout. Et j'ai vraiment aimé comment c'était organisé en tout cas. La plupart des tournois auxquels j'ai participé, je pense que c'était organisé par l'association, je pense, camerounaise en fait. Bon, c'était les différentes associations camerounaises et tout, peut-être du côté de Montréal. Mm-hmm. C'est eux qui organisaient principalement ces tournois de soccer-là. Et je trouve que c'est intéressant et puis ça peut peut-être donner, tu sais, des idées aux autres communautés aussi, tu vois. Pourquoi pas faire peut-être de même ici, peut-être à Trois-Rivières. Mm-hmm. Ou même du côté de Québec, si ce n'est déjà fait aussi. Donc c'était assez original, c'était assez intéressant aussi. Et ça, t'as participé en tant que joueur? Ouais, on sait plus là, en tant que public. Non, là j'ai participé en tant que joueur. D'ailleurs même samedi dernier, on avait un tournoi aussi du côté de Laval en fait, qu'on a d'ailleurs remporté. Ah, félicitations. Ouais, merci. Mais ouais, bon, là je me suis fait un peu mal à la cheville, t'sais. Ah bon, c'est le prix à payer, hein. C'est le prix à payer pour ça, on dira. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. Et puis c'était pas mal ça. Et après aussi, je parlais d'un groupe, tu sais, qui est basé à Montréal, qu'on appelle le groupe 3737. Okay. C'est en fait, c'est un incubateur en fait qui ils l'ont mis en place, c'était principalement pour les immigrants en fait, c'est-à-dire les personnes issues de d'autres pays en fait. Et pour parce que bon, la personne qui l'a mis en place, monsieur, c'est un couple de haïtiens vivant à Montréal en fait, et les deux sont entrepreneurs. Et leur motivation pour mettre ça en place, c'est parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas un incubateur même pour les migrants et tout, tu vois. Et parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas les mêmes défis j'essaie de t'aider, la même façon de faire pour accomplir quelque chose. Bon, voilà. Non, je dis n'importe quoi. Ils n'ont pas la même recette d'aile de poulet. C'est ça. Bon, voilà, la même recette d'aile de poulet, tu vois. Non, mais un incubateur, c'est là où tu vas pour recevoir des conseils, pour prendre de l'ampleur, pour devenir, pour faire ta place. Ouais, pour grossir pour ton entreprise et tout, et aller là-bas avec une idée. J'ai trouvé que c'était un bon plan, tu vois, et ça pourrait encourager des entrepreneurs, en fait, qui ne savent pas vraiment où commencer, tu vois, ou qui ont peut-être un peu peut-être peur ou bien de la réticence d'approcher des incubateurs. Peut-être, donc ça pourrait peut-être les aider à plus être en confiance et tout, tu vois, et de pouvoir mener à bien leurs idées et puis leurs différents projets en fait. Donc ça, c'était le groupe 3737 que ça s'appelle, du côté de Montréal. Et puis je pense que ce serait pas mal quand même à visiter. Bon, moi je l'ai découvert sur en regardant une vidéo là. Et je me suis dit, ben, je pense que je vais quand même peut-être jeter un coup d'œil en vrai, peut-être du côté de Montréal, prendre des renseignements sur comment ça fonctionne et tout. Mm-hmm. Et peut-être le recommander à des amis et tout qui étudient en entrepreneuriat, aller voir là-bas. Et même pour, c'est vrai qu'il a été mis en place pour principalement les migrants en fait, parce que la personne appelait ça des migrants preneurs. Okay. C'est sa manière à lui de caractériser les entrepreneurs immigrants. Et ça peut être pas mal en fait pour ceux qui ont différents projets et tout. Moi je leur conseillerais Est-ce que c'est quelque chose comme si mettons t'es un étudiant qui vient d'un autre pays puis qui vient étudier mettons à l'UQTR, quelque chose comme ça, et que t'as pas le droit de travailler, c'est ça, je pense que t'as pas un visa de travail? Non, c'est ça. Est-ce que tu pourrais partir ta propre entreprise pour pouvoir avoir quelque chose à faire ou pour faire de l'argent? Est-ce que tu peux faire ça? Ben là, c'est une très bonne question. Ouais, c'est ça, je me pose comme ça, là, t'es pas obligé de savoir la réponse du tout, mais... Mais non, franchement, j'ai aucune idée. C'est une bonne idée. Question. C'est une très bonne question. Je me félicite moi-même de ma question, c'est ça. Vraiment. Félicitations Mathieu pour cette question. Ouais, bien fait. On va la répéter, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça. Et puis, donc, dans le fond, c'est ça, le groupe 37 Central. Je pense qu'il y en aurait, on gagnerait à peut-être imiter ça aussi, tu vois, dans, peut-être dans plusieurs coins aussi du Canada, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il y a, tu sais, les migrants, ils sont répartis un peu partout et tout. Et tout. Mais bon, ça, c'est un couple de Haïtiens aussi qui l'ont fait. Bon, principalement, c'était pour, je pense que c'était pour la communauté peut-être haïtienne et tout. Mais je pense que ben, tous les migrants peuvent élargir un peu à ça. Si, ils vont élargir aussi à ça. Mais je pense que le concept est bien. Et puis, il peut être repris ailleurs parce que tous les migrants du Québec ne peuvent pas juste aller à Montréal, tu vois, parce qu'il y en a quand même qui sont répartis sur, en tout cas, une grande surface et tout. Donc, ça serait un peu compliqué de tout le monde. Bon, je ne sais pas comment des fois il est grand, mais je doute qu'il puisse accueillir tout le monde, en tout cas. C'est ça. Donc, c'est une belle découverte du côté de Montréal, aller voir le groupe 3737. Et donc là, je parlais aussi de réseaux sociaux, en fait, de quelques comptes que j'ai découvert, en fait, sur Instagram et tout, pas mal. Et tu sais, il y avait un compte qui s'appelle Loza Maleombo, en fait. Ben après, je l'écrirai oui, pour oui. Les... Oui, on mettra ça sur la page Facebook de l'émission. C'est ça. Et en fait, c'est une fille, en fait. Bon, en fait, de sa bio Instagram, tu sais, je vois plein de drapeaux et tout. Tu sais, Brésil, Côte d'Ivoire, Centrafrique, États-Unis. Bon, je ne sais pas si elle est des quatre nationalités ou peut-être qu'elle a visité les quatre pays. Peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'aime beaucoup son compte Instagram, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle poste là-dessus? Bon, elle poste, en fait, c'est plus des photos d'art, en fait. Et elle est un peu mannequin. Et c'est après, en fait, elle a des, je pense, des créations, en fait. Et c'est des créations un peu de style avec des matières un peu africaines, je dirais, tu vois. Avec déjà, de par son style et tout, elle utilise beaucoup, tu sais, de cuir et tout, tu vois. Du rotin. C'est bon, après c'est du bois, en fait, qu'on utilise un peu quand durcit pour faire des sandales. Sont vraiment elle est vraiment très très solide comme matière, tu vois. Et en tout cas, j'ai vraiment bien aimé les photos qu'elle prend, qu'elle poste et tout. Et puis c'est un bon compte Instagram, tu vois, pour à suivre quand même pour les mordus de mode ou qui cherchent tout le temps en quête de nouveaux styles et tout. Je pense que ça pourrait leur faire plaisir. Et il y a aussi Beware MTL. Ça, par contre, c'est un magazine, en fait. Ça, c'est un magazine qui est dédié aux arts visuels. C'est un magazine de Montréalais, en fait. Je pense qu'il doit y avoir des auditeurs qui connaissent. Et moi, j'aime bien cette page, en fait, à cause de leurs illustrations, tu vois, qui sont... En fait, ils repostent les différentes photos de différents artistes et tout, ou bien différentes créations. Et puis moi, en tout cas, grâce à cette page, moi, j'ai quand même connu beaucoup d'artistes que je n'aurais pas forcément suivi, ou bien que j'aurais par moi-même, je pense pas que j'aurais connu, en fait, tu vois. Ouais, c'est une bonne façon de trouver d'autres comptes Instagram à suivre, parce qu'ils vont poster, vont taguer les autres dedans. C'est ça, en fait. Il y en a vraiment de tout. C'est bon, c'est principalement un compte qui est plus culturel, je dirais, tu vois. Donc c'est vraiment pour les personnes qui aiment les tu sais, de belles images et des trucs graphiques et tout. Ben, avec. C'est le médium pour ça, c'est Instagram, c'est visuel. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime ça, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce compte-là, en fait, Beware MTL. Et je vais tout le temps, tu sais, reposter des trucs dessus et tout, ou voir des nouvelles illustrations. Je trouve ça inspirant, quand même, tu vois, de pouvoir voir ça et tout. Et donc, c'était ça comme compte, en premier. Et après, il y a un troisième qui s'appelle Ayodele Cotonou. Je pense qu'ils sont basés au Bénin, en fait, et ils font des meubles, tu sais, un peu, c'est un peu genre des meubles en pagne africain et ouais, tout. Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? C'est très, très coloré, très, très. Ben, c'est, tu sais, je dirais vivant, tu vois. Vivant. C'est vraiment. J'aimerais bien m'asseoir sur une chaise comme ça ou quoi, tu vois, ou en avoir une. Je trouve que c'est assez original et tout, et tu sais, pour même. Les auditeurs qui souhaitent un jour aller en tourisme quelque part en Afrique et tout, pourquoi pas faire un stop là-bas, hein, ou bien aller voir ça en vrai. Je pense qu'ils ont une mini galerie là-bas où ils exposent ça. Et puis bon, mais après là, je l'ai vu sur ce compte là mais je sais que c'est quand même assez populaire quand même ce type de design et tout, avec les motifs africains et tout. Et je pense pas qu'il doit être là tu sais, le premier à faire un salon en Pagne et tout. Je pense que ça a déjà été fait et tout, mais bon. Mais c'est en tout cas lui. C'est bien. Ouais, c'est bien fait. C'est qu'un autre le fait avant. Si. Mm-hmm. Et c'est vraiment bien fait. Et puis je pense que ça peut donner des idées aussi à des créateurs aussi, ou bien à d'autres personnes qui veulent posséder ce qu'il fait, ou qui veulent essayer de faire des choses dans le même style en fait. Ouais. Donc pour nous aussi, ça peut être intéressant ce compte-là à suivre aussi pour les fans de décoration. Intérieur. Exotique pour nous. Si, exotique, tu vois. Et je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui aiment ça. Ouais. Et puis, je vais parler aussi un peu de soccer, en fait. Okay. Je pense que, tu sais, bon, dernièrement, tu sais, il y a, je crois, les Diablos. Je pense que les Diablos, c'est l'équipe de soccer du Cégep. Je suis allé regarder leur dernier match. Bon, je me rappelle plus trop de l'équipe adverse, en fait, mais c'était fini quand même, je crois, 6-0, je crois, pour les Diablos, je pense. C'est un petit parti pris pour l'équipe trifluvienne. Oui, il faut. Ben oui, ta ville d'adoption. Mais oui, j'ai trouvé que c'était une bonne activité quand même d'aller suivre ce match-là. J'ai trouvé ça très plaisant à regarder, et beaucoup d'engagement aussi sur le terrain, tout ça, et... Je pense que c'est quelque chose à faire. T'sais, vous n'avez pas vraiment d'activité, vous êtes un fan quand même de sport. Et puis, c'est des matchs plaisants à regarder aussi. C'est les matchs de l'équipe de Diablo. Mm-hmm. Et moi, je pense que je vais commencer à regarder souvent, aller regarder souvent les matchs là-bas. Il y a un beau stade. Oui, il y a un beau stade en plus. Il y a un beau stade en plus. Et puis, bon, après, c'est pas tout le temps rempli, mais... Ouais, c'est l'enjeu avec des équipes étudiantes, c'est normal, mais bon. C'est vrai, mais en tout cas, c'était un bon match de soccer et tout. Et je pense ici à l'UQTR aussi, les Patriots, je pense qu'ils ont commencé leur saison. C'est ça, on en parlait un petit peu avec Marc-Olivier tantôt. Là. Il y a plein de sports qui commencent, d'autres qui finissent, un gros roulement dans ce domaine-là. Ouais, donc en tout cas, ça peut être aussi une activité aussi à faire aussi du côté de Trois-Rivières et tout, pour ceux qui trouvent. Et aussi, en été aussi, j'ai découvert un restaurant qu'on appelle Shishtahouk. Oui, bon, on adore ça. Du Libanais. Si. T'avais jamais goûté à du Libanais, là? Non. Ah, c'est bon. Ben bon, pas ici, tu vois, mais chaque fois, je passais devant, mais je m'étais jamais arrêté pour goûter. Une fois que tu commences, t'arrêtes plus, même. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment bon. Oui, c'est maladif un petit peu. Ouais. Ils en ont ouvert un au centre-ville où il y avait le Planète Poutine. Le Bacha qui est ouvert au centre-ville. Exactement. Ouais. Avec le combo viande, là, tu prends les deux viandes mélangées ensemble. Combo, c'est bon. J'ai fait. Ouais, moi aussi. Fallait pas faire ça le matin, c'est pas correct. Non, c'est ça, exactement. C'était ta dernière chronique. On y va, Shishtahouk et Libanais, pour vrai, j'adore ça. Ouais, pour vrai, c'était vraiment, vraiment bon. Et tu sais, j'aime bien la cuisine, comment tu sais, il y avait plusieurs ingrédients et tout, deux types de viande, je crois, avec les pommes de terre et tout. C'était vraiment très bon, en tout cas. Et puis c'est un bon restaurant, tu vois, que ça a fait ton été, ça. Ça a fait mon été. Pour moi, ça a fait mon été parce que j'ai mangé tout le temps au bout d'un moment, en fait. Et j'ai commencé à prendre un peu de poids, tu vois. Je me suis dit, peut-être faudrait... Faut varier des fois. Faut varier. Les patates, là, sont dans l'huile. sont frites dans l'huile. Dominique, merci beaucoup d'être passé. On te retrouve à chaque semaine, dorénavant. On parle d'actualité africaine avec toi et d'autres trucs qui t'ont diverti dans ton été ou dans ton automne. J'espère bien qu'on va découvrir des trucs avec toi. J'en doute pas du tout. Dominique Mavungu, c'est tous les mardis à 8h30. Merci beaucoup. Louis. Merci beaucoup. Nous, on est rendu à prendre une autre pause et retour, ça va être la dernière chronique de l'émission. Oui. Qu'est-ce que je t'ai préparé? Est-ce que tu sais? Non, hein? Non. C'est après le crime. Oh. T'aimes ça, hein? J'adore ça. Bah, fais ça. Visitez sifou.com. www.assemblagerequis.ca. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Toujours à Assemblage Requis, en ce mardi 19 septembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a eu beaucoup de chroniqueurs depuis le début de l'émission. Hein? Justine, Marc-Olivier, Dominique, un après l'autre. Là, pour le reste de l'émission, on est seuls, toi et moi. Oui. On est en train de se battre à savoir qui va commencer. Et là, là, là, là, là. C'est pas facile parce qu'on termine à 10h et on essaie de jouer avec ça, jongler un petit peu avec le temps qui nous reste. Donc, on va voir, il nous reste encore Tania is gonna entertain you. De quoi tu nous parles tantôt? D'éducation. Éducation. Et moi, c'est après le crime, donc des gens qui ont fait des choses répréhensibles. Oula. Mais avant ça, en musique, on écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est par Fria Moeras. Voici La peur des animaux. Ouh, 89 FM. La peur des animaux à Assemblage Requis. Ça ressemble à du Lydia Kepinski, du oui. Kupelkag, du Sœurs Boulay même, je pense. Hein? T'as acheté le CD des Sœurs Boulay récemment? Oui. Est-ce que tu nous en as parlé en ondes, je crois pas? Non. Est-ce que tu veux dire ton avis en ondes? Pas vraiment. Ben, ça me dérange pas, en fait. C'est vraiment une critique personnelle et non pas une critique pour tous, elle, j'imagine. Ouais. Ouais, exactement. C'est pas contre elle. C'est que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. J'ai acheté le CD pensant que je veux pas dire que ça allait être bon, mais ça allait ressembler à ce que tu connaissais d'elle. Exactement. Sur nos ondes. Exactement. On avait eu MapMonde, mm-hmm. on en avait eu plusieurs. Et c'est pas ça du tout. J'ai été un petit peu déçue, en fait. C'est du lirage. Ouais. Comme on vient d'entendre et comme les Puis on dirait artistes. Que ça a été enregistré comme dans un fond de cave. Mm-hmm. C'est comme écho. Écoute, c'est peut-être ouais. le système de son de ma voiture aussi. Mais. Non, ça a du sens, c'est à la mode en ce moment, ouais. Se plaindre et. Exactement. Et nous faire dans le son. Là. J'ai eu un petit peu de difficulté avec le fait aussi que la musique ne va pas tant avec la longueur des paroles. Ah, OK. On dirait que ça ne fonctionne pas dans mon cerveau. C'est ça que j'avais à dire. Ouais, critique de disque. Avec un an ou deux de retard. Exactement, ouais, je suis désolée parce que c'est vraiment pas le CD le plus récent non plus. Non, c'est plus, ça, là. Vraiment. En tout cas. Bref, justement, Tania, on veut savoir ton opinion parce qu'elle est importante pour nous. Mm-hmm. Ton appel est important pour nous. Ah oui, merci. Voici Tania Zigana Entertainer. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! Tania qui me fait des mimes en studio, c'est de tellement... C'est merveilleux, hein? J'adore ça. C'est la danse du Tania is gonna entertain. J'ai bu beaucoup trop de café déjà en partant. J'ai bu un espresso en me levant à 5h30 ce matin. Wow. Puis j'ai quasiment fini mon deuxième. Ouais. Pas espresso, mais café non, normal. Café, ça. Moi aussi, je fais des espressos en partant le matin. Donc, ce que je bois pendant l'émission, c'est un espresso allongé. Ah, OK. Ah, c'est merveilleux. Je préfère faire ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle d'éducation, chère Tania. Oui, parce que, c'est une nouvelle qui est sortie dernièrement dans la plupart des journaux qui sont bien connus, sachons-le. Comme quoi, les futurs enseignants avaient un vraiment gros problème du côté de la langue française. Aha. Et il y a un article de Patrick Lagacé qui est sorti, écoute, ce matin. Là, c'est vraiment très, très récent. En même temps que j'étais en train de terminer quelques informations par rapport à ma chronique que j'ai préparée hier. Bien sûr. Bien, je suis arrivée sur cet article-là de Patrick Lagacé qui est sorti ce matin dans la presse et qui dit qu'il refuse de jeter la pierre à ces enseignants-là, okay. qui sont les futurs enseignants, en fait. On parle d'enseignants qui savent moyennement écrire, qui font beaucoup de fautes. Exactement, qui passent pas nécessairement le test de la langue française. C'est dommage. Moi-même, j'ai passé un test de la langue française. Ouais. Je me considère pas comme étant la meilleure du côté mais du français. Mais t'es pas enseignante, par contre. Je suis pas enseignante non plus, mais je dois dire que juste le test de classification, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le temps où, par exemple, moi, j'étais au collégial ou le temps où on était au secondaire. Il y a des termes que je comprenais plus parce que, bon, il y a eu la réforme par la suite et les nouveaux élèves sont maintenant à l'âge où la réforme a eu lieu. Ouais. Donc, il y a des interprétations qui sont plus ou moins claires si on revient aux études. Mm-hmm. Je dis ça comme ça. Ouais. Mais en tout cas, reste qu'il y a un enseignant ou une enseignante qui envoie une lettre aux parents qui est bourrée de fautes, la lettre, c'est pas super crédible. Exactement. Mais en fait, ce que Patrick Lagacé dit, c'est qu'il refuse de jeter la pierre à ces enseignants-là parce qu'ils sont le produit d'une culture qui se fiche de l'école. Ouais. Est-ce qu'il blâme les enseignants qui ont enseigné à ces enseignants? Tu vas voir. Okay. C'est une culture qui tolère que le voisin ontarien, par exemple, ait un bien meilleur taux de diplomation. Ils sont le produit aussi d'une société qui a créé son ministère de l'Éducation 100 ans après celui de l'Ontario et les rejetons d'une société qui était la moins scolarisée en Occident avec le Portugal à l'aube de la Révolution tranquille. Donc tout ça, ça laisse des traces et une de ces traces-là, on pense que c'est un taux d'échec qui est quand même assez élevé des futurs profs, justement aux examens qui portent sur la langue d'usage dans leur société, c'est-à-dire le français. Et Patrick Lagacé se penche depuis plusieurs temps maintenant sur, je ne veux pas dire une enquête, mais sur un dossier qu'il appelle « Et si l'école était importante au Québec? » Et si l'école était importante au Québec, bien les profs travailleraient dans des écoles qui ne tombent pas en ruine. On ne se stationnerait pas 6, 7, 8 élèves à besoins particuliers dans les classes sans leur donner les ressources nécessaires pour encadrer ces profs-là et ces élèves-là aussi. Et on n'aurait pas besoin d'acheter nous-mêmes, en tant qu'enseignants, des bibliothèques pour les classes dans des ventes de garage. En Finlande, l'école, c'est important. Son système scolaire, c'est constamment cité comme étant parmi l'un des meilleurs au monde. En Finlande, pour être prof au primaire, il faut une maîtrise. Mm-hmm. Chose qui n'est pas du tout la même chose ici. Donc, sans surprise, c'est assez difficile de devenir enseignant en Finlande. Il y a comme un écrémage. Et si l'école était importante au Québec, bien le métier d'enseignant serait prestigieux. On rappelle si que l'école... tu cites Patrick Lagacé. Oui, exactement. Si l'école était importante au Québec, les conditions de travail des enseignants seraient enviables. Et ça amène à une autre panoplie d'articles et d'enquêtes qui a été fait, d'études qui a été fait sur l'éducation au Québec. Il y a des experts qui voient un indice qui laisse croire, par exemple, que l'intervention auprès des élèves qui traînent de la patte depuis le début du primaire, c'est pas fait de façon systématique ou c'est pas fait de façon efficace, si bien que justement les difficultés qu'on voit au primaire, bien ça s'aggrave au fil des ans. C'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement laisser de côté. On peut pas vraiment laisser quelqu'un qui a de la difficulté au primaire suivre cette difficulté-là. Ça va simplement devenir un boulet. On parle de la difficulté, pas la personne, là, OK, on s'entend. Oui. Et c'est ce qui pourrait notamment expliquer que la proportion d'élèves en difficulté au Québec présentement est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Dans les autres provinces canadiennes ou par exemple même aux États-Unis, bien on se situe autour de 15 %. Ici, au Québec, c'est 20 %. C'est déjà 5 % de plus qu'ailleurs. C'est notamment un chiffre que tu dis, bah, c'est pas pire, 5 %, mais c'est 5 % de difficulté. C'est 5 % des élèves qui sont de plus en plus en difficulté. C'est énorme, en fait, ouais. Ces 5 %-là. Donc, de son côté, la Fédération des syndicats de l'enseignement mise aussi sur l'intervention pour corriger le tir à ce niveau-là. Il y a le gouvernement qui a aussi décidé d'implanter beaucoup plus d'argent. On se rappelle, c'est arrivé un petit peu plus tôt cette année. Donc, on parle d'une autre forme. On veut refaire un petit peu l'éducation. On voit vraiment un remodelage depuis quelques temps au niveau de l'éducation au Québec. Et la manière de redistribuer l'argent, bien, présentement, c'est dénoncé par la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération autonome de l'enseignement qui voient à cette redistribution-là de l'argent un accroc important justement à l'équité, puisque c'est une pratique qui va désavantager les grosses écoles. Les sommes vont pouvoir permettre d'embaucher un technicien en éducation spécialisée une journée par semaine, que l'école compte un ou quatre groupes de maternelle, par exemple. Bien, on pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés par rapport à ce remaniement-là de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là au niveau de l'éducation? Bien, c'est encore une fois critiqué. Et tout ça pour dire que il y a de nouvelles embauches dans chaque école à la rentrée 2017 qui s'est fait. C'est des nouvelles ressources qui ont été octroyées pour chaque école et non selon le nombre d'élèves qui se trouvent à l'intérieur de l'école. Donc, on y va d'une façon différente et le ministre de l'Éducation, qui est Sébastien Proulx, a rendu public un petit peu plus tôt cette année, c'est-à-dire vers le mois de mai, les règles budgétaires justement pour la prochaine année scolaire qui visait justement à offrir un plancher de services dans l'ensemble des écoles du Québec et c'était un investissement de 114 millions pour 2017 et 2018. Ce qu'on se disait qu'il allait être quand même très, très bien, on se disait aussi que ça allait permettre d'embaucher 1500 nouvelles ressources et dans chaque école, ces sommes d'argent-là allaient pouvoir permettre d'ajouter les services d'un éducateur spécialisé, comme je le disais tout à l'heure, en maternelle en raison d'une journée par semaine. En première année, par exemple, l'argent va servir à embaucher un enseignant ou un professionnel supplémentaire, deux journées par semaine, toujours pour chaque établissement et ainsi de suite. Donc, de la deuxième à la sixième année, les écoles en milieu défavorisé vont avoir droit à un employé de soutien supplémentaire une journée par semaine, notamment pour améliorer le suivi avec les familles. C'est pas donc, énorme, mais bon. C'est pas énorme, c'est mieux que rien. On essaie d'avoir pas des portes de sortie, mais des solutions aux problématiques qu'on voit présentement. Donc, c'est sûr que ça peut apporter une aide supplémentaire à l'enseignant qui est devant la classe. Ça peut aussi amener une aide supplémentaire aux élèves qui sont en difficulté. Tout à l'heure, on parlait de la langue française qui est ressortie là, récemment comme étant un des plus gros problèmes. C'est assez difficile de se dire qu'on est au Québec, on parle tous français, mais que la langue française est si compliqué à apprendre. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait investir un petit peu plus. Et la réforme, cette fameuse réforme qui a quasiment débattu tout autour de nous dans les 10 dernières années. Moi, je me souviens que lorsque j'ai terminé mon secondaire, les gens qui terminaient tout juste après moi ont connu la réforme. Moi, j'avais pas connu la réforme. Je parlais avec ma cousine qui a comme 3 ans de différence avec moi. Je comprenais plus rien. Ouais, parce qu'on dit tout le temps que la réforme a commencé dans les années 90, je me rappelle bien, mais en pratique, dans la vraie vie de tous les jours, apparemment que c'était plus tard que ça. Tout à fait. T'as fini l'école secondaire quand, en 2000? J'ai terminé l'école secondaire en 2007. tout bon. Fait que c'est... Si je me suis aimé, hein? C'est quand même semi-récent. Oui, exact. Donc, présentement, la réforme arrive à l'éducation aux adultes. On est inquiet un petit peu parce que les enseignants tirent la sonnette d'alarme surtout. On dit que c'est inapplicable au niveau pratique. Ça va engendrer des problèmes majeurs autant au niveau des enseignants que des élèves parce que les élèves qui sont aux adultes, en théorie, n'ont pas connu la réforme il y a X temps. Donc, la réforme, c'est, ça inquiète beaucoup de gens et les syndicats d'enseignants, encore une fois, tirent la sonnette pour réclamer une espèce de... Une espèce d'aide, encore une fois, ou d'importants correctifs qui sont pas encore apportés à tout ce qu'on va avoir besoin. Et on dit que la réforme des programmes à l'éducation des adultes, ça va être basé sur l'approche par compétences. C'est inspiré aussi de la réforme scolaire qui est implantée dans les écoles primaires et secondaires depuis les années 2000. Au cours des dernières années, les nouveaux programmes ont été graduellement implantés au premier cycle de l'éducation chez les adultes, soit en première et en deuxième secondaire de façon volontaire. Donc, c'est les élèves eux-mêmes et les profs eux-mêmes qui se sont entendus pour faire changer un petit peu les choses de ce côté-là. C'est obligatoire depuis l'automne dernier de faire ces changements-là maintenant, mais pour le deuxième cycle du secondaire, les nouveaux cours vont devoir être enseignés à partir de l'automne 2017, donc cet automne, depuis que ça a commencé, afin que justement l'implantation soit complétée à grandeur d'ici la fin 2018, juin 2018. Il y a plusieurs profs qui lèvent la main, en fait, parce que cette fameuse réforme-là, c'est pas nécessairement non plus celle qu'ils ont connue. Donc, on a une problématique au niveau de l'éducation. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs écoles aussi du Québec qui décident d'abandonner les devoirs depuis quelques temps. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc, on est de plus en plus nombreuses à se questionner sur la pertinence des travaux scolaires à la maison. Est-ce qu'on doit pousser ça? Est-ce qu'on doit les enlever? Il y a une autre école, par exemple, à Québec, où on a décidé de juste abandonner les devoirs, mais pour miser sur la lecture. Mm-hmm. Parce que je sais pas si toi, tu te rappelles, mais quand moi, j'étais au primaire et quand moi, j'étais au secondaire, la plupart du temps, mes professeurs me disaient « Si tu veux bien écrire, lis. » Ben oui, c'est sûr. Parce que tu veux pas, c'est comme ça que tu vas faire travailler ta mémoire sur qu'est-ce que tu vois. Donc, après 2 ans de réflexion, bien, il y a une autre école qui se situe du côté de Québec qui a décidé de faire le saut. On a décidé d'arrêter les devoirs à la maison et on a décidé plutôt de noircir des pages de cahier d'exercice pour changer ça en 20 minutes de lecture chaque soir. C'est bon, ça? C'est pas énorme, non. 20 minutes. Mais si ça peut améliorer la qualité de la langue française des jeunes dans les écoles, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Pour vrai, je vois pas comment tu considérerais de mal écrire si tu lis au moins un minimum. Exactement. Donc, la situation a été analysée, la décision a été mûrement réfléchie dans plusieurs écoles et la recherche démontre qu'au primaire, les devoirs n'ont pas d'indice réel sur la réussite scolaire. Ce qu'on réussit à faire en classe ou ce qu'on réussit à faire à la maison, présentement, selon les études, c'est sensiblement la même chose. Ce qu'on doit travailler la plupart du temps au niveau primaire et secondaire, c'est justement la qualité de cette langue française-là. Donc, la gestion des travaux à la maison, c'est devenu une source de préoccupation, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et dans les quartiers défavorisés, c'est encore pire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas tout simplement miser sur un projet pilote qui va être quand même bien accueilli par les parents aussi, parce que ça prend du temps. C'est sûr que si tu veux que les enfants aient envie d'aller à l'école, faut pas qu'en plus, une fois qu'ils sont rendus à la maison, ils continuent l'école. Là, ben, tu sais, on n'est pas encore à l'université lorsqu'on est au primaire. Faut avoir une vie à l'extérieur de l'école, il me semble. C'est ça. Fait que garde les devoirs pour pendant tes cours. Oui, tout à fait. Mais là, où je veux en venir, c'est qu'il y a un groupe qui a décidé de repenser l'école. En fait, c'est un article du magazine L'Actualité qui est sorti récemment, qui m'a fait... Nouveau l'actualité, hein? Oui, poser... C'est plus nouveau que le nouveau Roger. C'est plus nouveau que... qui m'a fait un peu, pas réagir, mais qui m'a fait me poser beaucoup de questions justement sur l'éducation qu'on avait au Québec. Et ça s'appelle Repenser l'école. C'est une équipe qui bouillonne d'idées et qui sont impatients de secouer le monde de l'éducation. On a été épaulés par 5 sages, et là je dis bien des sages entre guillemets. Exactement. On parle de 9 entrepreneurs sociaux qui sont impliqués auprès des jeunes ou qui sont des parents d'élèves qui invitent justement la population à s'investir pour imaginer une école qui est beaucoup plus attrayante, stimulante, mais surtout adaptée au 21e siècle. Aux réalités d'aujourd'hui. Parce que c'est le fun de se dire qu'on a des difficultés avec la langue française puis tout ça, mais l'école vient aussi autant brancher au primaire qu'elle l'est au cégep. Donc, les jeunes sont autant allumés sur tout ce qui est Internet, tout ce qui est technologie, que les élèves qui sont, par exemple, à l'université ou tout ça. Cette technologie-là, on doit, je veux pas, à un certain point, l'inclure. Ben oui. Et c'est là aussi qu'on a de la difficulté à le faire et que ça rend peut-être d'autres problèmes aussi problématiques que la langue française. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en septembre 2016 dans la foulée des grandes rencontres du groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaire. Et c'est un groupe qui a été créé en 2008 par Jacques Ménard, qui est président de BMO Groupe Financier. Et aujourd'hui, c'est présidé par Diane de Courcy. Donc, je vais vous présenter en fait les auteurs de cette équipe-là qui souhaite améliorer rapidement le système scolaire au primaire et au secondaire au Québec. Donc, on parle de Catherine Légaré, qui est présidente fondatrice d'Académos, qui est un organisme qui connecte gratuitement avec des mentors, des jeunes de 14 à 30 ans qui souhaitent justement préciser leur orientation professionnelle. Donc, on aide ces jeunes-là depuis vraiment un bon moment. Il y a aussi Christian Bieler, qui lui est président de Credo. C'est une société conseil en incidence sociale. C'est un regroupement de jeunes chambres de commerce du Québec. On a réalisé le premier indice québécois d'équité entre les générations. Il y a aussi Lindsay Daudier qui est, elle, directrice développement stratégique et partenariat de la Maison de l'innovation sociale qui réunit des acteurs de divers milieux pour transformer Montréal en une ville. Donc, on a de grandes idées dans cette fameuse équipe-là. On a des directrices générales d'instituts du Québec, par exemple. On a des profs aussi. Il faut les mettre là-dedans, je veux pas. Donc, c'est l'équipe vraiment qui travaille à mieux comprendre l'éducation, à mieux la changer aussi présentement. Je vous ai dit qu'ils étaient accompagnés de sages. Ces sages-là, en fait, on parle de psychologues, on parle de doyennes de facultés d'université, on parle de professeurs et chercheurs, par exemple, à l'UQAM, on parle d'ex-présidents de centrales des syndicats du Québec, on parle aussi d'ex-ministres de l'Éducation. Donc, Michel Courchesne fait partie de ces sages qui accompagnent cette équipe-là à mieux à améliorer, en fait, le sort de l'éducation au Québec. Et c'est une initiative qui prend la forme d'un sprint de développement de nouvelles solutions, entre autres du côté des technologies, comme on le disait tout à l'heure. Et on doit répondre aux défis que présente le secteur de l'éducation primaire et secondaire au Québec. On a vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Donc, en 48 heures, les équipes mettent sur pied et présentent devant le public des projets innovants qui aident leur communauté de manière concrète. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir sur Internet, qu'est-ce que c'est un petit peu plus que repenser l'école? Bien, c'est très intéressant. Ce sont des enseignants et des élèves qui veulent justement revoir tout ce qui ne va pas. Ce sont des projets pilotes aussi qui sont lancés, qui sont écoutés surtout par les parents, les enseignants, les directeurs d'école, les commissions scolaires. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait des difficultés avec les commissions scolaires. On supprimait les commissions scolaires, mais les commissions scolaires, quand on regarde ça, c'est un petit peu le lien entre le gouvernement, l'école et les parents. C'est un petit peu la ligne directrice qu'on aurait dû conserver, en fait. Donc, d'éliminer des commissions scolaires, comme on l'a fait il y a quelques années, est-ce que ça nous a pas un petit peu tiré dans le pied? Je vais juste comme poser la question, laisser ça en suspens. En tout cas, moi, je me rappelle que lorsqu'il y avait des commissions scolaires, lorsque j'étais au primaire et au secondaire, on avait une approche qui était différente que celle qu'on a aujourd'hui. Ça a évolué extrêmement différemment. Les commissions scolaires étaient impliquées dans les écoles beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans les dernières années. Donc, est-ce qu'on devrait revoir les tâches des commissions scolaires envers ce qu'ils doivent au gouvernement versus ce qu'ils doivent envers les écoles et les parents, les élèves, les enseignants? Je pense que de travailler en lien, ensemble, en équipe, ça va peut-être juste améliorer les choses, de pouvoir faire changer le gouvernement sur plusieurs idéologies qu'ils ont déjà. Je pense que déjà en partant, juste de se baser sur « aidons la langue française », ça pourrait déjà en partant se lever. Et hey boy! Résoudre! Ça pourrait déjà en partant... La langue française oui, sera ça, soulevée exactement. Ce matin. Ça pourrait déjà en partant résoudre une bonne question et résoudre beaucoup de problèmes, selon moi, si on fait juste partir et se concentrer sur la langue française dans les écoles primaires et secondaires. Bien, d'accord avec toi. Voilà. Merci, Tania. On n'a pas remis en question les brigadiers encore. Non. Ils n'ont pas un gros iPad, tu sais, avec un pas stop encore. Dessus. Non, le stop, il est encore efficace. Le dossard jaune, parfois, la simplicité des choses fait souvent le travail. Faut que tu penses au fait que les brigadiers ont leur stop pour dire aux gens d'arrêter. Alors que quand il y a de la construction, la madame ou le monsieur, eux, leur disent d'aller, de continuer. Oui, c'est le contraire, tu sais. Fait que tu peux pas changer, si tu échanges de bord, tu sais, puis tu mets le stop à la madame de la construction, puis un go pour l'autre, je sais pas. Je suis d'accord. Non. Merci, Tania. Fait plaisir. Tania is gonna entertain you tous les jours à Assemblage Requis. On revient dans quelques instants avec notre chronique Après le crime. Mais avant ça, on a le temps pour une petite chanson, Tania. Ben oui, certainement. Je n'ai pas réalisé qu'on a le temps pour une chanson. Donc, allons entendre une pièce qu'on aime beaucoup de Queens of the Stone Age en ce moment. Feet Don't Fail Me Now. Mm-hmm. À Assemblage Requis sur C'est fou. 89 FM. Oh, oui. Yeah. between pleasure and agony on a one-way line. That's the sound that's calling me. It's calling me. It's calling me. Queens of the Stone Age avec Feet Don't Fail Me Now. Au retour, c'est après le crime. À son âge requis. À son âge requis. Pour toi aujourd'hui. À son âge requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou. 89. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage requis en ce mardi 19 septembre 2017, elle est Tania Baudin. Mathieu Plante. Juste à temps, Tania. Ok, oui. Juste à temps. Juste à temps, en fait, pour la prochaine chronique. Oui. Qui est vraiment une chronique qu'on aime beaucoup parce que qu'on aime ça. C'est le fun de parler de gens qui font des choses pas mal méchantes. Voici après le crime. Après le crime, la chronique des gens qui font des choses répréhensibles, des choses pas correctes. Mais on commence quand même assez mollo aujourd'hui avec un homme qui va en prison parce que les employés de Best Buy et l'officier de police n'avaient jamais vu un billet de 2$ américain. Ah! Ben voyons non. Ouais, propriétaire de petite entreprise Mike Bolesta qui a été mis en prison après avoir essayé de payer pour l'installation d'un système de son dans sa voiture chez Best Buy aux États-Unis avec un billet, des billets bien sûr, de 2$. Le caissier et l'officier de police qui était envoyé pour gérer la situation n'avaient jamais vu de billet de 2$ avant et pensaient que c'était des faux. Bolesta a été mis en prison jusqu'à ce que les services secrets puissent vérifier que les billets étaient complètement légaux. Wow. Franchement, c'est n'importe quoi, mais c'est ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Hey boy. Les runs. Mais ça existe encore les billets de 2$ pour ça aux États-Unis, oui. Non? Exactement, mais c'est peut-être moins en circulation que les autres. Probablement. Billets. Mais quand même, soit au moins un minimum au courant. Là. C'est quand même anodin. T'es caissier. Ouais, c'est ça. Mais c'est très anodin. Et t'es policier. Et t'es policier, c'est le pire, encore plus. Ensuite, un couple qui fait exploser son véhicule utilitaire sport après avoir allumé une cigarette alors que leur grill au propane était toujours à l'arrière de leur voiture allumée, bien sûr. Hein? Attends, là, wow. Leur grill au propane, ouais, était ben peut-être, en arrière, peut-être allumé. Pas allumé, là, mais il était en arrière et okay. J'imagine que la fumée, la bonbonne était là, exactement. Donc, il y a un couple de la Floride qui a récemment fait exploser sa Kia Sorento après que la passagère, la femme, ait allumé une cigarette avec le grill de leur truc propane était toujours à l'arrière après avoir... la réponse est vraiment dans l'article. Okay. C'était allumé. Les brûleurs étaient pas effacés. Il n'avait pas non plus fermé la valve de la bonbonne. Accident, ça arrive, mais quand même. C'est selon la station de télé Wesh qui nous dit que la police dit que le couple quittait, oui, un barbecue à Orlando, en Floride, quand l'incident a eu lieu. Ils ont négligé donc de fermer les deux brûleurs et la valve lorsqu'ils ont mis leur grill dans leur Sorento. Donc, en allumant la cigarette, ça a bien sûr explosé. Et apparemment qu'ils n'ont pas senti le propane non plus. Ils pensaient que c'était peut-être l'odeur du gaz normal. Mais plein de raisons de se rendre compte, en fait, que leur grill était toujours allumé. Hey, wow. Ensuite, un conducteur qui prend les marches pour une place où aller se stationner, en fait. Et ça a mal viré, cette histoire-là. C'est une vidéo qui vient de Santiago, au Chili, d'un chauffeur, un conducteur qui prend les marches pour tu sais, quand tu descends pour aller dans un stationnement, il pensait que c'était une côte pour descendre dans le stationnement. Oui. Mais c'était des escaliers. Il a ensuite réalisé son erreur. Ensuite, la voiture descend dans les marches et puis fonce dans la vitre en bas. Personne n'a été blessé, heureusement. Mais quand même... Une chance? Pas fort! Non, vraiment pas. Ça ressemble pas, même pas à une descente de stationnement. C'est des escaliers, clairement, tu sais. Même s'il fait noir, là, c'est clairement des escaliers. Ouais. Bref. Ensuite, un cercueil vieux de 800 ans... Ouais. ...qui a été brisé lorsqu'un visiteur a essayé de mettre un enfant à l'intérieur du cercueil. C'est le musée Prittlewell Priory Museum à Southend-on-Sea, dans Essex, au Royaume-Uni. Donc, c'est un cercueil vieux de 800 ans qui est bien sûr montré là. Il a été endommagé lorsque quelqu'un a essayé de placer un enfant à l'intérieur pour prendre une photo, bien sûr. La personne a levé l'enfant par-dessus la barrière protectrice. Et bien sûr, ça a causé des dommages. Ah, ben oui, mais tu sais, il n'y avait pas de pancarte, ne pas toucher. C'est ça, puis il n'y avait pas de gardien de sécurité c'est à côté. Ça, hey, ils s'attendent à quoi? Ils courent après le trouble, hein? Franchement. Eh, bah, il faut tout le temps tout dire à tout le monde. Ensuite, un coloc qui s'est réveillé au son d'une femme en train de crier. La police a trouvé, et là je dois dire en passant, je le dis pas assez, là, je l'ai pas dit depuis le début de la chronique parce que c'était correct, mais maintenant, cette chronique s'adresse à un public quand même plus ou moins averti. Le coloc qui se réveille au son d'une femme en train de crier, et la police trouve des restants humains dans un bain de plastique rempli de produits chimiques. C'est un homme et une femme du Montana qui ont été accusés d'homicide après que leur coloc ait rempli bien sûr les paperasses de la police, disant que deux personnes avaient été tuées dans leur maison de Missoula. Ah donc la police dit se sont rendus à la résidence le vendredi que c'est arrivé. Ils ont trouvé les restants humains dans un bain rempli de produits chimiques. Tiffany Pierce, 23 ans, et Augustus Sanding Rock, 26 ans, ont été accusés d'homicide volontaire. Et puis les deux ne pourront sortir de prison qu'avec 2 millions de dollars de caution. Le coloc aurait dit à la police qu'il s'est réveillé au son d'une femme en train de crier et qu'il a trouvé en fait Pierce et Standing Rock en train de laver le sang dans la douche. Lorsque confronté, Pierce aurait dit au coloc qu'elle et Standing Rock avaient attaqué deux personnes qui avaient visité la maison les corps donc étaient dans le sous-sol à ce moment-là. Donc le corps de l'homme et la femme ont été trouvés en effet dans le sous-sol. Les victimes n'ont pas encore été identifiées. C'est ça, apparemment que Standing Rock avait un fusil entre les mains et un linge rempli de sang. My God! Ouais, c'est quand même assez... C'est très macabre, ça. Assez macabre, donc les corps étaient dans le sous-sol et puis ils étaient en train de laver ça dans le bain et on les a entendu le son de la femme crier. Ensuite, le copain d'une femme qui bat un enfant jusqu'à ce que l'enfant tombe dans un état végétatif et la mère a couvert les bleus sur le corps du bébé avec du maquillage. Pardon. Ça se passe à Palmdale, en Californie. Le couple a reçu donc sa sentence. Le couple va passer sa vie en prison pour avoir battu le jeune enfant. Le juge a donc donné sa sentence à Brandon Gerald Williams, 27 ans, qui va devoir passer 25 ans en prison après avoir été trouvé coupable de meurtre au premier degré, de torture et de violence contre un enfant, ce qui a causé sa mort. La mère de la victime, Rosie Lee Wilson, 23 ans, elle a reçu une sentence de 15 ans, meurtre au deuxième degré, selon le Los Angeles Times. Leur sentence arrive 3 ans après que Anthony Wilson, le jeune enfant, ait été battu, selon KABC. Williams aurait frappé l'enfant de 23 mois sur la tête. Ça, c'est presque 2 ans. Aïe, aïe! Sur la tête, le 21 août 2014, l'enfant est mort de ses blessures le 5 octobre 2014. L'impensable s'est passé lorsque Rosie a laissé Anthony, l'enfant, avec son copain. La prosecution dit qu'elle a utilisé du maquillage pour cacher les bleus sur le corps du jeune garçon, dont sa tête et son entrejambe. Elle l'a pas amené à l'hôpital avant le lendemain après-midi. L'enfant qui était hospitalisé dans un état végétatif pendant plusieurs semaines, ce qui a mené à sa mort. Le coroner a déterminé que Anthony avait les bras brisés, et les côtes aussi, en plus de plusieurs autres blessures sérieuses. Écoute, des petites blessures. C'est ça, ça arrive. Le reste des détails dans l'article. Ouais. Ensuite, on a une mère qui n'amène pas son enfant à l'hôpital après qu'il ait subi une surdose d'héroïne. Hein? Dit la police, ça se passe à Yorktown, en Indiana. La femme a été arrêtée après que son enfant d'un an ait overdosé, comme on dit, sur sa petite montagne d'héroïne. Daisha Sue Clark, 26 ans, est accusée de négligence, de possession de seringues, possession de paraphernalia, comme on appelle les trucs qui vont avec la drogue. Elle était en house arrest, donc elle devait rester à la maison. Elle était comme, comment t'appelles ça quand t'es obligé de rester chez toi? Bref, je me rappelle plus du mot, mais bon, c'est pas grave. Obligé de rester chez toi. C'est ça, on va dire ça comme ça. Clark restait avec quelqu'un de sa famille, et puis elle a découvert... Ordre de restriction, non? Ouais, non, je pense pas. Non, je pense que ça, c'est d'autres choses. Bref, hein, on s'en fera pas pour des détails comme ça, hein? Bref... Clark restait avec quelqu'un de sa famille lorsqu'il a découvert son fils près de sa chambre à coucher avec du plastique dans sa bouche et une substance poudreuse sur le visage, selon WHTR. Le cousin ou la cousine de la femme a dit à la police que l'enfant a arrêté de respirer à un certain moment. Malgré tout, la mère aurait remis à plus tard d'aller à l'hôpital, disant que son fils avait mordu dans une bouteille de spray contre les insectes. Franchement! Et le cousin, finalement, a fini par demander à un médecin de l'aider, donc a amené l'enfant à l'hôpital. L'hôpital a donné du naloxone à l'enfant d'un an. On appelle ça du Narcan, sinon, dans le domaine. Donc, un médicament qui est utilisé pour traiter les surdoses d'opiacés ou d'opioïdes. Et puis, il a pu sortir de l'hôpital, selon la station locale. C'est pas la première fois, en fait, que la femme de l'Indiana était accusée de mettre ses enfants sur le mauvais chemin. Elle avait fait quelque chose d'autre. Alors, en 2015, elle avait conduit sous l'influence à ce moment-là. J'étais en train de chercher... Qu'est-ce que je cherchais tantôt? Voyons. Je ne pourrais te dire. Ouais, non, je cherchais le truc de... Ah, on s'en fera pas avec ça, non? On va pas chercher trop longtemps là, sur rester 23 mois, chez elle. Bref, ça me tracasse quand j'arrive pas à trouver le mot. ensuite, un chien et des objets de valeur qui ont été volés quand la gardienne du chien a invité une date sur Tinder. C'est la police à Leonia, dans le New Jersey, oui, qui cherche le chien de la famille et les deux hommes qui lui ont volé des choses et qui ont volé le chien. Après qu'une femme ait rencontré un homme sur Tinder, il l'a invité à la maison lorsqu'elle était en train de garder le chien. La police de Leonia a dit que la femme de 18 ans avait invité un homme qu'elle avait rencontré sur Tinder dans la maison d'une autre famille qu'elle gardait, dont elle gardait la maison. L'homme qu'elle n'avait jamais rencontré avant s'est présenté à la maison avec un ami. La femme a dit à la police que... qu'un des hommes est en train de la distraire et l'autre, lui, est en train de voler des choses dans la maison. Les deux sont partis. Elle réussissait pas à trouver le chien qui était supposé surveiller dans la maison, bien sûr. C'était un Maltais de 2 ans nommé Maggie. Les deux hommes auraient volé un petit portable et un colis de chez Amazon dans la maison. Je pense que ça me ferait encore plus de quoi qu'on me vole mon chien qu'on me vole mon ordinateur. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. On a réussi à retrouver le rendez-vous Tinder, mais pas d'arrestation a encore été faite, selon le New York Post, en date de l'article. Ensuite de ça, des parents sont accusés de la mort. Et encore une fois, je me répète, mais cette chronique s'adresse à un public plus ou moins averti. Les parents qui sont accusés de la mort de leur enfant après qu'il ait suffoqué sous un matelas. C'est un couple de la Pennsylvanie qui est accusé de la mort, oui, de leur fils de 2 ans après avoir attaché un matelas à sa bassinette, ce qui a fait qu'il a suffoqué. Justin Dwyer, 29 ans, et Courtney Stash, 28 ans, sont accusés de plusieurs chefs d'accusation, dont homicide volontaire. Est-ce que c'est volontaire? Je crois que oui, pour la mort au mois d'avril de leur enfant Ioin. Ioin. OK. Ou Oin. E-O-I-N. La police dit que le couple a utilisé un matelas pour empêcher Ioin de sortir de sa bassinette. Le couple a dit à la police qu'ils avaient placé en fait 2 sacs de sel de 50 livres sur le matelas pour le tenir. Franchement! Et juste pour être sûr, ils ont aussi attaché le matelas à la bassinette avec un bungee. Tu sais, rien de moins, écoute! L'élastique accroché. Selon la police, l'enfant de 2 ans a essayé de grimper pour sortir de sa bassinette et il a réussi à mettre sa tête au-dessus du rebord, mais il s'est pris entre le poids du matelas et la bassinette et il a suffoqué. Les parents ont trouvé leur enfant sans réponse et ils ont immédiatement appelé le 911. Donc, ils sont accusés, comme j'ai dit tantôt, de meurtre, ouais, c'est ça? C'est ça, là, c'est le genre de parent qui aurait dû aller au cours prénataux. Ouais. Je dis ça comme ça. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Franchement. Bref, encore une fois, d'autres détails dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, un propriétaire qui aurait supposément entré dans la maison d'un de ses locataires pour tuer la personne qui y était. C'est un homme de la Floride qui est derrière les barreaux, accusé de meurtre après avoir tiré sur, un de ses locataires pendant une altercation. C'est le Miami Herald qui nous dit que Ryan Wilder, 32 ans de Winter Springs, qui a donc donné son papier d'éviction, comme on l'appelle, pour rejeter quelqu'un du bloc appartement à Kenneth Palicki, 47 ans, le 18 août vers les 13h30. Palicki qui vivait avec sa copine Colleen Lyons, 25 ans. Elle a tous les détails de l'adresse, ça va aller. Hein. Et en lui donnant ses papiers pour le rejeter, Wilder aurait demandé à ce que le couple quitte la maison avant le 23 août. On se rappelle qu'on était le 18 août à ce moment-là. Donc plus tard, le soir du 18 août, Wilder est retourné à la maison et donc à la maison du locataire, là, ça c'est le propriétaire Wilder, est entré illégalement et il aurait commencé à voler les choses, à prendre les trucs dans l'appartement, les trucs du couple. Palicki et Lyons sont retournés à la maison et puis ils ont vu Wilder en train de faire ça. Palicki a appelé le 911 et mais pendant qu'il était toujours au téléphone, Wilder aurait sorti un fusil. Aïe, bien sûr, de sa taille, sa ceinture, et il l'aurait tiré 4 fois selon les détectives de Monroe County Sheriff's Office. Wilder a quitté la scène dans son pick-up et Lyons a appelé les autorités et a donné une description du véhicule. Les officiers de police ont trouvé Ryan à une courte distance de la scène du crime. Ils l'ont mis sur le côté de la route et puis ils l'ont détenu. Donc finalement, au moins, ça a terminé correctement. Ouais, c'est ça. On dit que Palicki a été tiré dans le haut de la cuisse, dans le dos, dans le cou et dans l'avant-bras, imagine. Oh. C'est quand même assez violent. Dans le cou, il est chanceux capable d'appeler. Exactement. Voilà, donc Wilder est toujours derrière les barreaux dans la prison de Monroe County. Et pas le droit de caution en passant. Ensuite, une femme qui a filmé son ami en train de se faire violenter sexuellement et qui a posté ça sur le compte Snapchat de la victime, nous dit la police de Chicago qui a arrêté une femme et l'a accusée d'avoir posté une vidéo d'un viol d'une femme inconsciente en fait en ligne selon ABC7. Beth Ray Harris, 36 ans, présumément aurait resté là sans rien faire pendant qu'une femme de 23 ans se faisait violer et enregistrant donc l'incident, une vidéo de l'incident et postant ça sur le compte Snapchat de la victime en tant que telle, même pas son propre compte. Présumément, Harris et la femme qui n'est pas nommée étaient des rivales en termes de romance. Probablement qu'elle cherchait l'attention du même homme. Les enquêteurs ont dit que le 24 août, la paire est sortie pour boire et la victime présumée aurait assez bu pour tomber dans les pommes. Et c'est là que Harris a frappé, laissant donc l'homme ou les hommes violenter la victime sexuellement et autres. Le lendemain matin, la victime présumée s'est réveillée nue. Et puis Harris l'aurait informé en fait qu'un homme avait eu des relations avec elle pendant qu'elle était dans les pommes. Et quand elle est revenue à la maison, la victime présume qu'elle a trouvé plusieurs vidéos en ligne qui avaient été postées sur son propre compte Snapchat. Donc c'est la victime qui dit ça. Ça montre la victime inconsciente en train d'être violée par au moins un homme. On ne sait pas s'il y en a plusieurs en tout. Donc la personne de 36 ans qui est présentement retenue en prison avec 150 000 $ de caution et puis d'autres accusations s'en viennent peut-être. Et selon la défense, Harris a 3 enfants. Donc, qui pourraient probablement, fort probablement, en fait, être sur Snapchat et peut-être même suivre leur mère. Hey! Hein? C'est dégueulasse! Ouais. Toujours. Elle mérite de se faire battre. On n'ira pas jusque-là. Ouais, là. Non, ok, ça parle. Et on continue dans cette chronique qui, en passant, s'adresse à un public plus ou moins averti. Passons maintenant à un homme qui aurait battu une fille de 4 ans à mort parce qu'elle n'avait pas soupé, elle n'avait pas mangé son souper. Tu comprends l'avertissement maintenant? Il y a des gens maintenant. Pas bien dans ce monde. Absolument. Donc, c'est un homme du New Jersey, un homme de 20 ans, qui aurait présumément battu la fille de 4 ans de sa copine à mort parce qu'elle ne voulait pas manger, selon NJ.com. La prosecution a dit qu'ils ont accusé Najuquan Ross de meurtre en connexion avec la mort au mois de juillet de la fille Nathalie Sikaela Gunter. La fille de la mère Lucy Gunter a dit aux enquêteurs qu'elle était revenue du travail lorsqu'elle a vu qu'elle avait une coupure sur son front et qu'il manquait une dent. Ça arrive, tu manques une dent, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ouais. Gunter a demandé comment la fille s'est blessée. Ross aurait admis qu'il l'avait battue parce qu'il ne voulait pas manger pendant qu'il était en train de la garder, elle et d'autres enfants. Ross a dit que la fille a perdu sa dent pendant qu'il la battait, alors qu'elle essayait de se défendre. 3 jours après cette violence incroyable, Gunter a trouvé Kyla sans réponse dans sa chambre et a appelé le 911. Même si Ross a dit à Gunter ce qui s'était passé, Gunter aurait dit au service d'urgence qu'elle ne savait pas ce qui n'allait pas chez Kyla, donc elle a protégé son copain, comme on entend souvent. La fille a été amenée à l'hôpital où elle a été déclarée morte en dedans d'une heure, selon Crime Online. Les officiers et l'équipe médicale disent avoir observé des bleus et des abrasions sur le corps de la fille. Gunter a été accusé d'avoir mis en danger le bien-être d'un enfant après ne pas être allé chercher de l'attention médicale assez rapidement, bien sûr. Ross, qui est le père d'un autre des enfants de Gunter, est en prison et devrait passer en cours, ou en tout cas, en date de l'article, était supposé de le passer au futur. J'imagine que c'est déjà fait. Gunter a pu sortir de prison à la fin du mois de juillet après que la prosecution n'ait pas réussi à convaincre un juge qu'il était un risque. Aïe, aïe. Voilà. Les amis et la famille de Gunter ont dit qu'elle et sa fille étaient toutes les deux victimes de violences domestiques, bien sûr. Ensuite, toujours averti comme public, hein? J'espère que vous êtes toujours averti de la nouvelle précédente. Une femme qui a empêché son enfant de 6 semaines de manger et ce qui a causé sa mort parce qu'elle n'arrivait pas à créer un bon contact avec lui. dit-elle. Tu sais, un bond, un lien familial, mm-hmm. elle réussissait pas à se sentir proche de lui, donc l'a empêché de manger pour que l'enfant meure. C'est la prosecution du Colorado donc, qui a accusé un couple marié de meurtre au premier degré après la mort en février d'un garçon de 6 semaines, selon NBC 9 News. Les autorités ont arrêté John Ostrander, 21 ans, et sa femme, Donica Mirabal, 21 ans, de Colorado Springs, après une enquête de 6 mois sur la mort de leur enfant, Zayden. En février, donc, le couple a appelé le 911 à leur appartement lorsque Zayden a arrêté de respirer. Les services d'urgence ont trouvé le petit garçon mort à l'intérieur de sa chambre à coucher dans l'appartement de Colorado Springs. L'enfant avait l'air sévèrement, comment dire, maigre, selon les autorités. Une des personnes du service d'urgence disait que le bébé avait l'air de sortir d'un film sur Auschwitz dans le camp de concentration, on se rappelle de l'histoire. Mirabal qui a dit au détective, c'est même pas un conditionnel ici, que le petit garçon arrêtait pas de tomber malade et qu'il n'arrivait pas à garder les liquides à l'intérieur de lui. Elle aurait admis qu'elle avait fumé elle-même de la marijuana pendant qu'elle était enceinte de Zayden, qu'elle avait vu un médecin seulement 3 fois avant la naissance et qu'elle n'avait jamais formé de lien mère-fils avec lui. Il est né prématuré à 36 semaines. Le bébé a testé positif pour le THC et est resté à l'hôpital pendant plusieurs jours après la naissance dû à des complications de santé. Le jour avant la mort du bébé, il a arrêté de manger et ne pouvait pas arrêter de pleurer non plus. Elle dit que le bébé... Non, attends, non. Il n'arrivait pas à pleurer, le bébé. Elle disait que le bébé okay. ouvrait sa bouche comme s'il voulait pleurer, mais rien ne sortait. Donc, on dit que... Ben, c'est ça, que c'est un problème qu'il y avait à ce moment-là. J'imagine, Mirabal a dit au détective que le 28 février dernier, le jour où Zayden est mort, il n'arrivait pas à manger, à boire ou à pleurer, et qu'il passait la journée à juste avoir l'air triste. Elle dit qu'elle est allée le voir vers 17h30 ce jour-là, et sa peau était toute froide. Schwender a dit qu'il avait aucune idée de ce qui s'était passé avec son fils. Et qu'il était en train de travailler pendant que Mirabal prenait soin du bébé. Les deux suspects sont accusés de meurtre et d'abus de leur enfant, ce qui a mené à la mort. Ils restent derrière les barreaux. En fait, on dit que le 19 septembre était leur date en cours, donc on va suivre le dossier si jamais on a une nouvelle qui sort de ça, éventuellement. Aïe, aïe, on dirait que ça revient pas. Pourquoi les gens, en plus, qui font ce genre de crimes-là, ont tout le temps l'air de ce qu'ils ont de l'air, ces photos? C'est vrai, j'ai tendance à pas regarder les photos, mais ceux-là, ce qui ont l'air particulièrement épeurants? Ouais, quand même. Ils ont l'air bêtes. Mais tu sais, c'est ça. Clairement, je ne veux pas devenir leur ami. AssemblageRocky.com pour aller voir les photos. Ensuite, la police cherche un imposteur, un imitateur de policier qui aurait volé 10 000 $ de la part d'une personne âgée. Donc, les jeunes femmes, en fait, qui ont quitté la scène ensuite, auraient fait semblant d'être des officiers de police pour pouvoir accéder à la maison de la madame. Donc, c'est la police de New York City qui a demandé l'aide du public pour retrouver deux personnes qui auraient volé 10 000 $ d'une personne âgée. Donc, selon le NYPD Office of the Deputy Commissioner of Public Information, obtenu par Crime Online, le vol aurait eu lieu le 17 août dernier à l'intérieur d'une bâtisse d'un bloc appartement l'endroit où c'est, on s'en fout un petit peu. Les deux femmes aurait cogné à la porte de la résidence de la madame de 78 ans vers les 19h30, disant être des officiers de police qui cherchaient quelqu'un qui vivait dans l'appartement à ce moment-là. Donc la victime a dit à ces deux personnes-là qui portaient des boucliers autour de leur cou, mais n'étaient pas déguisés, n'étaient pas habillés en police. Donc j'imagine qu'ils avaient le petit bouclier de police, là, tu sais, le petit symbole NYPD mm-hmm. là, qu'on voit souvent à la télé. Donc elle devait avoir ça autour de leur cou. Donc la madame a répondu que la personne qui cherchait n'était pas là. La résidente a ensuite permis aux deux personnes d'entrer pour chercher l'appartement. Quand les deux femmes sont parties, la victime a découvert qu'il manquait 10 000 $ en argent dans une des chambres à coucher. Selon la police, les deux femmes ont quitté en courant et sont toujours introuvables. La police a sorti une vidéo et une photo des présumées voleuses qui ont été décrites comme étant entre 18 et 25 ans avec les cheveux noirs. Elles ont été vues avec chandail blanc, jeans bleus et souliers noirs. Donc vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. Ensuite, un homme qui aurait, encore une fois, chronique avertie, mm-hmm. hein? Et ce sera la dernière nouvelle en passant. Un homme qui a lancé une fille de 7 ans en bas d'un pont qui est accusée de meurtre, oui. La fille, par contre, et là, c'est là que ça a fini au moins bien pour cette chronique-là, la fille a réussi à nager jusqu'au bord et elle a miraculeusement survécu. C'est un homme du Massachusetts qui a kidnappé une fille de 7 ans. Il y avait un petit souper là, chez ses grands-parents. Il l'a kidnappé de là, l'a lancé en bas du pont dans l'air. Il y a rien de moins. Un petit souper chez ses grands-parents, il l'a kidnappé, il est parti avec. C'est ça, dans cette chronique-là, tout est normal. Hein. C'est NBC News qui nous dit que Joshua Hubert, 35 ans, est derrière les barreaux. $1 million de caution pour pouvoir sortir. Il est accusé de meurtre, hein, mm-hmm. on a compris. Crime Online nous dit que Hubert était un invité en fait à ce souper-là chez les grands-parents de la jeune fille, de la jeune victime à Worcester. Tu connais toujours à un certain point. C'est ce qu'ils disent. Vers les 2h30 dimanche matin, il aurait donc kidnappé la petite fille qui est en train de dormir sur le divan. Il l'a amenée à sa voiture, l'a amenée en fait en voiture pendant une heure. Il arrêtait à un certain point pour l'étouffer un petit peu, l'étrangler. Ensuite, il est passé sur le pont, sur le lac Queen Sigamon, et il l'aurait présumément lancé dans l'eau. La petite fille, évidemment, comme on l'a dit tantôt, était faite forte pas mal. Elle a nagé 100 verges de distance, en pyjama mouillé, jusqu'à une maison à Shrewsbury, où elle a cogné à la porte à 4h30 le matin. Hein? Hey, j'espère que les gens y ont répondu au moins puis qu'ils l'ont aidé. Ouais, ben apparemment. 100 verges, c'est 0,09 km. Donc, quoi, c'est 900 mètres? Attends un peu, en mètres, ça fait combien? 91,44 mètres, oui, voilà. Donc, on dit que la fille s'en remet présentement, qu'elle a des blessures, mais que ça ne menace pas sa survie. Voilà. Wow. On ne connaît pas, en passant, ceux qui se posent la question, on ne connaît pas encore le motif pour ce présumé kidnapping et, bien sûr, tentative de meurtre. Hein? Je pense qu'on peut le répéter. Oui, c'est ça. Tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Je te jette en bas du pont, mais arrange-toi. T'sais. C'est ça. Je veux pas te tuer. Je veux juste... Bats-toi. Plus de voir. Voilà, wow. Assemblagerequis.com, encore une fois, pour les notes de cette chronique après le crime. C'est dans les notes de l'émission numéro 1126. Que c'est donc déprimant par moment, cette chronique-là, mais bon, hein? Ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui, Tania. Mm-hmm. On finit sur cette note, au moins une note de survie quand même. Oui, c'est vrai. Et pas pire la fille, pas pire. Pas pire. Merci à Justine Renaud pour sa chronique aujourd'hui. Elle nous a fait Justine Pertine. Merci à Marc-Olivier Dumas qui nous a fait Sport et Filoché. Merci aussi à Dominique Mabungu pour Voix d'Afrique. Demain à l'émission, on sera mercredi. Hein? Et mercredi, est-ce que je sais par cœur qu'est-ce qui s'en vient le mercredi, tu penses? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. l'horaire commence aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient mercredi et la page charge à une vitesse absolument lente. Fait qu'un jour, je vais pouvoir vous le dire. Merci, Tania Baudin. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Merci à tous nos auditeurs et restez à l'écoute parce qu'à partir de 10h, ce sera la rediffusion du Mathieu Plante Show de la semaine dernière. Ensuite, à midi, on sera de retour. Ça va être juste moi. Tu seras de retour. Ouais, pour la portion mishmash des Palmarès, c'est fou. On va se faire C'était fou, Palmarès in Peace et plein d'autres choses. À 13h, rediffusion Rock de Neuron, et puis à 19h, on revient en direct avec Réanimation, avec du métal et de l'horreur, et finalement à 21h, c'est Matière Noire avec du métal progressif. Donc, demain à l'émission, mercredi, David Ferron va être là à 8h30 pour nous parler du prochain Zone Campus et Gabriel Béhoud va parler d'impro à 9h, c'est demain, à partir de 7h. Bonne journée! Bon café! Bye! Bye!